70 blessés, le chef de l'État est attendu à Villallier, l'un des villages les plus touchés par les crues. Il y rencontrera les familles des victimes et les maires des villes sinistrées. Le président se rendra ensuite à Trèbes, où 6 personnes ont été tuées. Au total, l'état de catastrophe naturelle a été reconnu dans 126 communes du département. Les dégâts matériels sont estimés à 200 millions d'euros. Il avait braqué sa professeure avec une arme factice pour ne pas qu'elle note son retard en cours. L'élève filmé jeudi dernier dans un lycée de Créteil dans le Val-de-Marne a été mis en examen hier soir pour violences aggravées. Âgé de 16 ans le mois prochain, il risque jusqu'à 3 ans de prison. L'auteur de la vidéo, lui, n'a pas été identifié, mais des poursuites contre X ont été engagées pour sa diffusion sur les réseaux sociaux. Le gouvernement lance une nouvelle enquête sur des cas de malformation. Depuis 2007, plusieurs bébés sont nés sans main, sans bras ou sans avant-bras dans des périmètres restreints. 7 dans l'Ain, 3 en Loire-Atlantique et 4 en Bretagne. Certains élus écologistes pointent du doigt les pesticides, ce que n'avait pas confirmé une première enquête de l'agence sanitaire. La ministre de la Santé Agnès Buzyn a estimé hier que l'absence de réponse était insupportable. À l'étranger, l'Arabie Saoudite continue de clamer sa bonne foi 2 jours après avoir reconnu la mort du journaliste Jamal Khashoggi au consulat saoudien d'Istanbul. Riyad affirme ne pas savoir où se trouve son corps. L'Europe, les États-Unis et le Canada exigent des réponses sous peine de sanctions. De son côté, la Turquie promet de révéler toute la vérité sur le meurtre du reporter. On passe au sport avec la victoire de Marseille sur Nice hier soir en Ligue 1. L'OM l'a emporté 1-0 en clôture de la 10e journée. Un peu plus tôt, Montpellier a battu Bordeaux 2-0 et Saint-Etienne et Rennes ont fini sur un nul 1 partout. Au classement, Paris leader avec 30 points. Suivi de Lille, 8 points derrière de Montpellier et de Marseille. En rugby, enfin, très belle opération de Toulouse lors de la 2e journée de la Coupe d'Europe hier. Le club héraultais a battu le Leinster, champion en titre, 28-27. Montpellier, en revanche, a été dominé 23-20 par Newcastle. On passe à la météo. Dans la matinée, une perturbation s'étendra des Pays de la Loire à la frontière belge avec un ciel couvert et un petit peu de pluie. Dans le sud, là aussi, la journée débutera sous la grisaille. L'après-midi, le temps sera nuageux de la Charente à la Lorraine, mais des éclaircies reviendront de la Bretagne au nord. Même chose dans le sud où l'on attend un beau soleil. Près de la Méditerranée, le Mistral et la Tramontane devraient souffler en rafale jusqu'à 60 km/h. Les températures, elles sont en baisse. On le disait, 4 degrés à Strasbourg ce matin, il fait froid. Ça, 10 froid, à Bordeaux, oui, 12 à Abbeville, 13 à Caen et Lannion. 15 à Toulon et Bonifacio. Cet après-midi, on attend 14 degrés à Dunkerque et Belfort, 15 à Paris, 16 à Angers, 19 à Aurillac et 20 à Carcassonne. Et merci beaucoup, retour des infos dans moins d'une demi-heure sur RTL de 6h02. Bonjour à tous, bonjour Justine. Bonjour Greg, bonjour tout le monde. On est très heureux de vous accueillir pour une nouvelle semaine. C'est lundi matin, c'est le 22 octobre. Christina Aguilera et Maroon 5 sur RTL 2. Move Like Jagger dans le double expresso RTL2. Grégory Hacher et Justine Salmon. Bon réveil avec le double expresso RTL2. Oui, bon réveil, bon début de journée. C'est lundi matin, bonjour à tous. Bonjour Justine. Hello Greg, bonjour tout le monde. Et c'est vrai que ce sont les vacances de la Toussaint. Et oui, a priori, si vous nous écoutez à 6h06, c'est que ce ne sont pas les vacances pour vous. Enfin, ça a priori. Ou alors vous sortez de boîte. Un dimanche soir? Oui, bon, c'est possible aussi. Pas toi, pas maintenant, pas après tout ce que t'as fait dans ta vie. Bien sûr que c'est possible. Tout ce que j'ai fait dans ma vie, ça va, je n'ai que 32 ans. Ta vie, ton œuvre. Ouais, exactement. Celui qui parle maintenant, c'est Jonathan Donnel. Il est là, bonjour Jonathan. Bonjour à tous. Qu'on retrouve pour sa chronique habituelle, 6h55, 8h55. Exactement, top 3 de l'actu. Puis il est là, puis il décoche des flèches, des vannes. C'est bim, bam. C'est une machine à vannes. Jérémy qui est allé chez le coiffeur ce week-end. Bonjour Jérémy. Oui, bonjour. Jérémy ne supportait plus sa touffe. Je dis ça en tout bien, tout honneur. Comment ça va? Écoute, ça va bien. En forme? Oui, très bien. Bon, et Max qui s'occupe des réseaux sociaux. Bonjour à tous. Max, qu'on va applaudir. Standing ovation. Ah oui, notre star du week-end. Tu peux raconter? Oui, voilà. Donc Charlie Winston était venu il y a 3 semaines dans l'émission Le Double Expresso. Ouais. Et vu que j'avais dansé avec lui dans le studio, il m'a proposé de danser sur scène avec lui, Paris tenu. Vous allez avoir Tourcoing. À Tourcoing. Et attends, t'as pas fait que danser? Non, j'ai chanté aussi. Écoute bien. On the weekend we just dance. Ça, c'est Max. Et alors tout a été filmé, ce moment, la vidéo est fabuleuse. Vraiment, je me la suis fait, je crois, 12 fois dans le week-end. Et je riais dans mon lit. Donc on va vous la mettre, on va partager ça sur la page Facebook de l'émission. Allez voir. Franchement, ça met de bonne humeur le matin. C'est fantastique. Ah. Franchement, danser sur scène avec Charlie Winston en public, Max, t'es un génie. On n'aurait jamais pu le faire. Ah, ça m'a fait du bien. Incroyable. Allez, allez, Clara, bonjour les filles. Bonjour. Et bonjour à Julie également. L'équipe est au complet du son pop rock, c'est normal. Radiohead, Muse et Simple Minds, tout ça en 20 minutes. Mais c'est du délire. Bienvenue. Won't you come see about me? I'll be alone, dancing, you know it, baby. Tell me your troubles and doubts, giving me everything inside and out. And love's strange, so real in the dark. Think of the tender things that we were working on. Slow change may pull us apart. When a life gets in your heart, baby, don't you forget about me. Don't you forget about me. Will you stand above me? Look my Minds dans le double expresso RTL de Don't You Forget About Me. Il est 6h11, je vous ai parlé du son pop rock, des aventures de chacun ce week-end, mais évidemment, Justine, on reprend les bonnes habitudes, l'info expresso à 6h18. Elle arrive, et si vous êtes du genre à regretter d'avoir envoyé un message un petit peu trop vite, je ne sais pas pour quelle raison, eh bien restez avec nous, puisque j'ai une solution pour vous. Bon, bah, ça sera l'info expresso utile de la matinée, et puis Radiohead pour le son pop rock. Creep dans le double expresso RTL. Vous restez avec nous, hein, on est lancé, c'est lundi matin. Bonjour à tous. RTL de Pop Rock Party. Le son Pop Rock, mixé par Lauren et RLP en live. Écoutez. RTL de Pop Rock Party. Toute la semaine de 19h à 20h. Et les vendredis et samedis, version longue de 22h à 1h. RTL de Pop Rock Party. Montez le son. Bonjour, c'est Philippe Etchebest. Pour la première fois depuis la création d'Objectif Top Chef, j'ai décidé de me lancer un défi. Trouver la perle rare qui, en intégrant les futures cuisines de Top Chef, rejoindra directement ma brigade. Rien que ça. Alors autant vous dire que je serai plus exigeant que jamais. Objectif Top Chef revient pour une nouvelle saison du lundi au vendredi à 18h40 sur M6. Chérie, l'auto Leclerc fête ses 30 ans. Vite, les clés de la voiture. Quoi, là tout de suite? Avec des super promos sur des grandes marques d'équipements auto et sur les pneus, on fonce. Il y a un grand jeu avec à gagner des cartes cadeaux de 10, 20, 30 et 50 euros et une Renault Clio Trend. Et tu me dis ça comme ça? Du 23 octobre au 10 novembre, venez profiter d'offres exceptionnelles et participer au grand jeu anniversaire des centres l'auto Leclerc. Voir modalité sur www.auto.leclerc ou à l'accueil des magasins participants. L'auto Leclerc fête ses 30 ans. Allez, allez, on est parti! Quand vous postez une offre sur la plupart des sites de recrutement, vous recevez beaucoup de candidatures. Je suis le directeur commercial dont vous avez besoin. Mais lorsque vous postez une offre sur Indeed, vous obtenez une sélection de candidats qui correspondent vraiment à vos besoins. Je suis directrice commerciale diplômée en commerce international et je parle couramment japonais. Sur Indeed, vous pouvez définir des questions de présélection afin de ne retenir que les candidats qualifiés. Et pour encore plus d'efficacité, Indeed propose des offres d'emploi sponsorisées. Rendez-vous sur indeed.com/offres pour bénéficier de 50 euros offerts. Les conditions générales s'appliquent et sont disponibles sur notre site. Tous les jours, partout en France, RTL2, le son pop rock. 16h17, bonjour Justine. Bonjour Greg, bonjour à tous. Bonjour à tous, bienvenue en ce lundi matin. Super cadeau, c'est les vacances de Toussaint, on vous offre des vacances. Et on vous offre un séjour en club Bellambra, 2000 euros le séjour. Waouh, c'est pour le tube de la brosse à dents RTL 2 à 16h45, inscription au 3228 pour chanter avec l'inénarrable Bruce Springsteen. When you were here before, couldn't look you in the eye. Just like an angel, your skin makes me cry. You float like a feather in a beautiful world. I wish I was special. You're so fucking special. But I'm a creep. I'm a widow. What the hell am I doing here? I don't belong here. I don't care for nothing. I wanna have control. Perfect body. I want a perfect soul. I want you to notice when I'm not around. You're so fucking special. I wish I was special. Chanteur du groupe Thom Yorke vient de dévoiler avec Greenpeace un morceau pour la protection de l'Antarctique qui s'appelle Hands of the Antarctic, sachez-le. L'info expresso RTL 2. Oh bah, il est engagé, elle aussi elle est engagée, elle dénonce, c'est Justine Salmon. Voici la première info expresso du jour sur RTL 2. Que j'ai trouvé sur un de mes magazines préférés, Biba, ce matin sur biba.fr. Alors il nous est tous arrivé d'envoyer un message et de le regretter. Hein, que ce soit la mauvaise personne, que je sais pas, que vous ayez un peu trop bu, que vous, petit moment de faiblesse, vous envoyez un message à votre ex un soir, enfin ça nous est tous arrivé. Oui, oui, oui. Bon, peut-être. Mais toi, oui, parce que tu m'as raconté des histoires comme ça. Oui, ben moi, oui. D'ailleurs, je vais vous les raconter maintenant. Ah, bah, on ne fait pas l'info expresso, je vous raconte la vie de Justine privée. Bah, non. Justine Salmon de façon privée. Justine privée, quoi. C'est ça. Bon, bref, c'est possible sur WhatsApp ou sur Instagram d'effacer le message maintenant. Oui, c'est vrai. On avait parlé sur WhatsApp, c'est vrai, t'as raison. Mais sur WhatsApp, je trouve ça un peu bizarre d'ailleurs, parce que ça nous met, c'est marqué, ouais. Le message a été supprimé. Ouais. Et je l'ai fait d'ailleurs un jour, et bien sûr que c'est étrange, la personne dit, bah pourquoi t'as supprimé ton message? Oui, bah après, faut pipoter. Oh bah excuse-moi, c'est une mauvaise conversation. Ouais, c'est bizarre. Mais sur Facebook, c'est pas possible. En tout cas, on envoie quelque chose, ça, c'est pas relou. Possible. Et bien là, les équipes travaillent sur le projet de rendre l'option accessible à tous les inscrits sur Facebook. En tout cas, ça existe déjà sur WhatsApp et sur Insta. Donc ça permettrait d'effacer le dit message sur notre écran, mais également sur l'écran du destinataire. Sur Messenger, là, c'est ça? Oui. D'accord. Facebook Messenger, ouais, c'est ça, les messages privés. Mais ça, vous pouvez pas le faire, vous, sur vos téléphones. Vous êtes avec la marque à la pomme, vous pouvez pas le faire. Alors que moi, je peux le faire. J'ai un décompte 6, 5, 4, 3, 2, 1 quand j'envoie un SMS. Ah, sur tes textos. T'as encore 6 secondes pour effacer le texto. C'est parce qu'on fait pas d'erreur, non, c'est pour ça. Ouais. Ah, oui, d'accord. Bon, bah alors très bien. Le gars danse avec Charlie Winston et sans flamme. Merci, Justine. Donc ça devrait arriver. Patience. On y croit. On vous poste ça où? Sur la page Facebook Double Expresso RTL2 et on ne l'effacera pas. My circuits are blown. I know it's self-imposed. And all I have shared and all I have loved is all I'll ever own. But something has changed. Human. Dans un petit peu plus de 15 jours sortira le nouvel album de Muse, Something Human. C'est le single qu'on vient d'écouter, l'album s'appellera Simulation Theory. Il est 6h26, il est l'heure de l'horoscope surtout là maintenant. Médaille de bronze avec les Gémeaux, Greg. La semaine démarre difficilement, allez tenez bon. Les Lions. Ne comptez pas uniquement sur les autres pour avancer. Et les Sagittaires. N'oubliez pas de sourire, la vie est belle. Médaille d'argent maintenant pour les Béliers. Vous allez beaucoup rire cette semaine. Tant mieux. Cool. Taureau. Restez aussi tolérant que vous l'êtes, c'est une très grande qualité. Les Cancers. Votre bonne humeur rend les autres heureux. Vierge. La chance sera de la partie aujourd'hui. Balance. Voilà, je suis resté en haut, il y avait un point. Balance, malgré votre dose importante de travail, vous gardez la pêche. Les Scorpions. Votre gentillesse est très appréciée par vos proches. On passe au Verseau. Soyez patient, vos efforts vont bientôt porter leurs fruits. Dernière médaille d'argent, les Poissons. Oui, vos idées bouillonnent aujourd'hui. Et puis médaille d'or, les champions du jour, les Capricornes. Exact, Justine, une très bonne nouvelle devra arriver très bientôt. Ça va illuminer cette semaine. On va écouter Jean Gézra, Shotgun. Et puis vous nous appelez maintenant au 3228. On vous offre vos vacances, séjour pour 4 personnes en Club Bellambra. Vous imaginez ça? Génial. 2000 euros. Wow. Et puis en famille, là, pour 4. Bah bim. Voilà, c'est cadeau. C'est Clara qui vous attend au 3228. Vous jouez avec nous à 6h45 sur RTL2. Bonjour. C'est Lenny Kravitz. Écoutez RTL 2. Partez à la rencontre de Lenny Kravitz pour son concert à Milan. À tout moment sur RTL 2. RTL 2, la radio pop rock. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année, catégorie fruits et légumes. Allô patron ? Bon ben... On est dans les choux, c'est ça ? Dans le chou-fleur, oui. Je suis chez Lidl. Et aujourd'hui et demain, le chou-fleur est à 89 centimes l'unité. Non ! Ah si patron, moins de 90 centimes la pièce. Et origine France en plus, hein ? Le chou-fleur à ce prix-là, patron, on a du souci à se faire. Et ça te fait rien. Les soucis, c'est toi qui vas en avoir si tu continues. Pardon patron, hein, mais là, on est très mal, hein. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Catégorie 1, origine France. Plus d'informations sur Lidl.fr. Retrouvez les peluches Club des frais à collectionner dans votre supermarché. Dis donc, sympa ta nouvelle voiture. Oh, attends, c'est rien à côté de ma nouvelle assurance. Ah tiens, justement, c'est elle. Bonjour, je suis votre appli Direct Assurance. Je vous confirme que votre nouvelle voiture est désormais assurée chez nous. Et vous venez d'économiser 245 euros pour les mêmes garanties qu'ailleurs. Eh, c'est ton appli banque qui va être contente. En souscrivant chez Direct Assurance, 9 nouveaux clients sur 10 déclarent bénéficier du meilleur rapport qualité-prix. Alors rendez-vous sur directassurance.fr. Direct Assurance, on gagne toujours à être direct. Voir détails sur le site. Leclerc. Chérie, 70% de tickets Leclerc sur les tablettes, lave-vaisselle, finish, tout en un max chez Leclerc. Quelque chose me dit que t'en as pris. À ce compte-là, tu m'étonnes. Du 23 octobre au 3 novembre chez Leclerc, la boîte de 63 tablettes pour lave-vaisselle, finish, tout en un max est à 8,31€, soit 8,07€ le kilo. Avec en plus 70% de tickets Leclerc. Produits irritants et dangereux, respectez les précautions d'emploi. Voir modalités et magasins participants sur www.e.leclerc. 70% de tickets Leclerc. Ça fait 5,82€ sur la carte, j'ai calculé. Il est 6h30, bon réveil avec le double expresso RTL 2 et avec Raphaël Thomas pour les infos. Bonjour Raphaël. Bonjour Justine, bonjour à tous. Il ne voulait pas qu'elle le note absent, l'adolescent de 15 ans qui avait braqué sa prof la semaine dernière avec une arme factice dans un lycée de Créteil a été mis en examen pour violences aggravées. Il a été relâché mais il a interdiction de séjourner dans le Val-de-Marne. L'enseignante, elle, a déposé plainte. Elle s'est vue prescrire 7 jours d'interruption de travail. Emmanuel Macron demande au ministre de l'Éducation de prendre toutes les mesures pour que ce type d'incident ne se reproduise pas. Tariq Ramadan de retour chez les juges. Le théologien suisse doit donner ce midi au magistrat sa nouvelle version des faits après la révélation récente de centaines de SMS à charge. Dans ses textos échangés avec l'une des femmes qui l'accuse de viol, il s'excuse pour sa violence et expose des fantasmes de domination, des écrits qui contredisent sa défense. Lors de leur confrontation, l'islamologue n'avait concédé qu'un jeu de séduction, affirmant n'avoir bu qu'un verre avec la plaignante. Des centaines de personnes réunies contre l'homophobie. Environ 3000 personnes se sont rassemblées hier à Paris pour dénoncer les violences de ces derniers jours à l'encontre de couples homosexuels dans la capitale. Plusieurs membres du gouvernement étaient présents. Une maternité occupée depuis vendredi dans l'Indre. Une trentaine de personnes refusent la fermeture de l'établissement prévu dans les prochains jours. Le ministère de la Santé évoque un danger dû au manque d'obstétriciens. Il dénonce aussi de mauvaises pratiques. Depuis l'été dernier, les femmes enceintes de la commune de Blanc sont dirigées vers d'autres villes. Elles doivent faire plus d'une heure de route pour accoucher. À l'étranger, l'Arabie Saoudite continue de clamer sa bonne foi. Deux jours après avoir reconnu la mort du journaliste Jamal Khashoggi au consulat saoudien d'Istanbul, Riyad affirme ne pas savoir où se trouve son corps. On passe au sport avec en rugby la belle opération de Toulouse hier en Coupe d'Europe. Les Toulousains ont battu le Leinster, champion en titre, 28 à 27 en clôture de la deuxième journée. De son côté, Montpellier a été dominé 23 à 20 par Newcastle. Et puis en football, Marseille l'a emporté 1-0 en clôture de la dixième journée de Ligue 1 sur Nice. Un peu plus tôt, Montpellier a battu Bordeaux 2-0 et Saint-Étienne et Rennes ont fini sur un nul, 1 partout. La météo dans la matinée, une perturbation s'étendra des Pays de la Loire à la frontière belge avec un ciel couvert, un petit peu de pluie. Dans le sud, là aussi, la journée débutera sous la grisaille. L'après-midi, le temps sera nuageux de la Charente à la Lorraine, mais des éclaircies reviendront de la Bretagne au nord. Même chose dans le sud, on attend un beau soleil. Près de la Méditerranée, le Mistral et la Tramontane devraient souffler en rafale jusqu'à 60 km/h. Les températures ce matin, 5 degrés seulement à Nancy, 10 à Valenciennes et à Paris, 11 à Mont-de-Marsan, 12 à Vannes, 14 à Calais, 16 degrés à Nice. Cet après-midi, on attend 16 degrés à Orléans et à Tours, 17 à Auxerre, Dijon et Lyon et 21 à Perpignan. 6h32, premier winner du jour, illusion d'optique au menu. C'est pas radiophonique, mais je vais vous en parler quand même. Tu me fais confiance? Complètement. Voici Georges Ezra. Homegrown alligator, see you later. Gotta hit the road, gotta hit the road. The sun ain't changing the atmosphere. Architecture unfamiliar. I could get used to this. Time flies by in the yellow and green. Stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. South of the equator, navigator, gotta hit the road, gotta hit the road. Deep sea diving round the clock, bikini bottoms, lager tops. I could get used to this. Time flies by in the yellow and green. Stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. Sur RTL 2, c'est à moins 25. Le double expresso RTL 2, le winner du jour. On parle illusion d'optique alors dans le winner du jour. Oui, parce que c'est une mauvaise blague d'une entreprise pour ses employés. Alors évidemment, c'est une illusion d'optique. Donc comment concrétiser une illusion d'optique à la radio? C'est pas évident. Je vais quand même vous en parler. C'est la mission. Ouais, c'est la mission. J'ai trouvé ça sur gensight.com. En fait, il y avait beaucoup trop de gens qui couraient dans un établissement, et que ce soit des employés ou des clients. Et du coup, ils avaient envie, plutôt que de mettre des panneaux, arrêtez de courir, ne courez pas, ou de faire la police, ils se sont dit, on va emprunté, on va mettre un carrelage spécial, les patrons de l'établissement. Alors en fait, c'est une société britannique qui s'appelle Casa Ceramica, qui est spécialisée dans la pose de carrelage, qui s'est chargée des travaux et qui, avec l'aide de 400 dalles en céramique, sandales, 400 ouais, dalles, et pas 400 dalles. Oui, je comprenais pas. Au moment où je dis, tiens, ils vont croire que c'est des tongs. Non, 400 le chiffre, dalles, les petites plaques de céramique. Ils ont créé une illusion d'optique pour faire croire aux visiteurs que le sol était complètement bosselé. Et je vous assure, on va vous poster ça sur la page Facebook du Double Expresso, c'est complètement dingue. C'est-à-dire que vous avez vraiment l'impression que le sol d'un coup se creuse, remonte et qu'il y a des bosses. Et du coup, qu'est-ce qui se passe quand vous voyez un sol un peu bosselé ou avec des trous? Ben vous ralentissez. Bien sûr. Vous vous dites, je peux plus courir. Et ben ils ont créé ça et plus personne ne court dans les couloirs. C'est absolument dingue et l'illusion d'optique est assez bluffante. Ouais, faudra pas se plaindre quand les mecs seront en retard parce qu'ils sont coincés dans le couloir. Hein, les médecins. Je peux pas passer, il y a un trou. Oui, t'imagines. Non, mais vraiment. Mais c'est pas bête. Oui, c'est pas bête et surtout c'est très bien fait. Allez voir ça sur notre page Facebook. Ça va donner des idées à certains. Peut-être nous dans notre couloir. Ouais. Quand les chocolatines arrivent, vous allez peut-être enfin ralentir. C'est la journée avec ce morceau de Mike and the Mechanics Over My Shoulder. Ça nous fait chanter, nous. On est tous restés au casque à chanter. Ah ouais. Qui mange? Qu'est-ce que tu manges? Une petite compote. J'ai faim, mais c'est bon, j'essaye de faire sain. Mais c'est bien. Le tube de la brosse à dents, il va chanter Bruce Springsteen dans quelques minutes, 32-28, pour gagner vos vacances avec Bellambra, et puis INXS, et Green Day, et puis Hoshi. Ah, il est bon ce morceau de Green Day. Holiday, les vacances de la Toussaint. C'est un hymne, là, tout de suite, sur RTL2. A été la première radio en France à jouer ce titre de Muse. Ce titre d'Ed Sheeran, vous l'avez découvert sur votre radio. RTL2 a été la première radio en France à jouer ce titre d'Imagine Dragons. RTL2, les plus grands artistes pop-rock d'aujourd'hui et de demain. Cofidis et Stéphanie Renouvin présentent Préjugé numéro 12. Les femmes se posent toujours trop de questions. Maxime nous écrit « Je suis un grand fan, vous êtes mon bol d'air frais quotidien. » Sympa Maxime. Par contre, quand il dit fan, il veut dire de moi ou de l'émission? Non, parce que je veux surtout pas occulter le reste de l'équipe, moi, hein, genre la fille qui prend toute la place. L'enfer. Mais peut-être qu'en fait, il aime tout le monde dans cette émission, sauf moi. C'est vrai ça, il a pas dit « Je suis fan de Stéphanie ». On peut se poser la question, non? Vous trouvez ça absurde? Nous aussi. Changez votre regard sur les préjugés. Leclerc. Chérie, l'auto Leclerc fête ses 30 ans. Vite, les clés de la voiture. Quoi, là tout de suite? Avec des super promos sur des grandes marques d'équipement auto et sur les pneus, on fonce. Il y a un grand jeu avec à gagner des cartes cadeaux de 10, 20, 30 et 50 euros et une Renault Clio Trend. Et tu me dis ça comme ça? Du 23 octobre au 10 novembre, venez profiter d'offres exceptionnelles et participer au grand jeu anniversaire des centres l'auto Leclerc. Voir modalité sur www.auto.leclerc ou à l'accueil des magasins participants. L'auto Leclerc fête ses 30 ans. Allez, allez, on est parti. U-Power révolutionne la chaussure de sécurité et vous restitue plus de 55% d'énergie à chaque pas. Vous n'y croyez pas? Venez essayer la technologie Infinergy. Vous ressentirez un confort que vous n'avez jamais connu avant. Nous vous attendons pour essayer les nouvelles chaussures de sécurité dans tous les points de vente U-Power. Trouvez-les sur upower.fr. Le son pop rock RTL2 vous accompagne partout avec l'appli RTL2. Bonjour à tous. Bonjour l'équipe et bonjour à Jonathan O'Donnell. Bonjour, bonjour. 6h55. De quoi on va parler dans cette... Ah, on va parler de la Chine qui a une idée un petit peu lunaire. Ah, ah, le mot est bien choisi d'ailleurs. J'ai l'impression qu'il y a un indice. Il a l'air content en tout cas. Ah ouais, pas mal ce jeu de mots. Le tube de la brosse à dents après Green Day. Yeah, le double expresso RTL de 6h48. RTL 2, le tube de la brosse à dents. Premier candidat de la semaine, c'est Romuald. Bonjour Romuald. Bonjour Greg, bonjour Justine. Et coucou Romuald, comment ça va? Comment a été le week-end? Un peu court, mais très bien, on a profité du soleil. Et puis on commence la semaine avec vous, donc ça va. Ah bah c'est cool. Vous savez qu'il fait toujours deux jours le week-end. A priori, constamment, hein, un peu court, ce sera constamment, toujours comme ça. C'est comme les nuits, à chaque fois c'est trop court. Ah ouais. Non, mais tu dis ça parce que t'aimes roupiller 12-14 heures, toi. Bah, j'aimerais bien. Bon, mon cher Romuald, vous aimez vous reposer donc le week-end, la moto, la musique. Et donc, si vous aimez la musique, vous aimez Bruce Springsteen. Salut, Bruce. Donnez-moi oh. Oh. Donnez-moi yeah. Yeah. Oh yeah. Oh yeah. T'as remarqué, Bruce, il n'y a que moi qui fais le premier haut. Hein, parce qu'ils étaient là en train t'es de subjuguer. T'es toujours un fire, mon Grégoire. Bah, bien sûr, je suis toujours là. Je suis l'allumette et t'es le feu. Ah oui. Oh oui, ça gratouille. On est complémentaires. Bon, Romuald, excusez-nous pour ce numéro de duettiste légèrement gênant. Vous allez pouvoir gagner des vacances pour vous et votre famille. Ça serait chouette. Vous avez deux enfants, j'ai vu, non? Exact. Bon, vous allez pouvoir gagner des vacances. Bel en bras, 2000 euros de vacances quand même. À la mer ou à la montagne, vous choisissez. Il y a 58 destinations en France. Allez. Yeux bleus, bel en bras. Voilà, c'est ça, il fallait qu'il la fasse. Allez, on y va, Bruce, à vous de trouver l'artiste. Bonne chance, ou la chanson. Ah ouais. Allez, Romuald. Alors, In Excess. Mais oui. Et je vais vous dire pourquoi je suis encore plus content. Parce que nous avions la réponse sous les yeux et que Jérémy, qui réalise l'émission, et Justine m'ont dit « Oh non, non, c'est compliqué, In Excess. » Et j'ai fait « Mais vous êtes fous !» Nos auditrices, nos auditeurs sont les champions du son pop rock. Ils connaissent In Excess. Et bim, il en a cassé son bracelet, pour tout vous raconter. Oh, il était un peu cassé avant. Bravo, des vacances bel en bras pour vous d'une valeur de 2000 euros. On est très heureux de vous les offrir. Bravo, mon cher Romuald. Et bravo, Bruce. Hein, vraiment, quel talent. Hein. Et ouais, bravo, Bruce. On vous embrasse, Romuald. Profitez bien de vos vacances et... Allez Romuald, qu'est-ce qu'on vous sert sur RTL 2? Un méga double expresso. Allez! And give me a moment. Your moves are so raw. I've got to let you know. I've got to let you know. You're one of my kind. Oh. I need you tonight. 'Cause I'm not sleeping. There's something about you. Makes me sweat. Let you know, I've got to let you know. So In Excess, Need You Tonight sur RTL 2. L'actualité revue et corrigée par Jonathan O'Donnell dans le double expresso RTL 2. Il est de retour après avoir été sur scène hier au Théâtre Beau-Saint-Martin du côté de la République à Bordeaux, à Paris. C'est moi qui ai passé mon week-end à Bordeaux, autant pour moi. C'est Jonathan O'Donnell. Bonjour Jonathan. Bonjour Greg, bonjour Justine, bonjour à tous. Bonjour. Je vous emmène dans l'espace pour démarrer. Ah. La Chine veut lancer une lune artificielle pour éclairer la Terre durant la nuit et faire des économies d'éclairage. Bien sûr. D'accord. Bien sûr. Déjà, ça c'est bonne vanne. Déjà, puis après que des Chinois avaient fabriqué une contrefaçon, jusque-là tout est normal. Improbable, ça c'est improbable. Une lune artificielle, T'as remarqué que Justine n'a pas rigolé, elle est restée sur l'info. C'est improbable ça. Et je ferai des économies d'énergie. Et voilà Justine, c'est top. Une info politique, un député de l'Aude a proposé d'interdire le VTT pendant la période de chasse. Ouais. Ah. Et la trottinette toute l'année, non? Arrêtez de foncer comme ça sur les trottoirs. C'est dangereux. Et enfin, on termine avec du sport. La première édition de la Run and Beer en Seine-et-Marne a réuni 600 amateurs qui ont couru 25 km en buvant de la bière tous les 3 km. Mais qu'est-ce que c'est? C'est un peu spécial. Mais ça me rappelle la course que tu avais lancée, Justine, l'an dernier, Run and Morito. Hein, sauf que personne n'est jamais arrivé à la fin, évidemment. Personne n'a fini la course. J'ai choisi. À tout à l'heure, 8h55, yeah. Jonathan. Voici Olchi dans le double expresso RTL 2. Derrière ta cigarette, dans mon cœur, t'as fait un tabac. Je suis en quête du bonheur, peut-être qu'il est dans tes draps. T'as piraté mon âme alors que je surfais sur la vague. Et j'ai tout raté, je rame alors que je t'avais dans ma madrague. Enlève tes bas ou tes hauts, t'es si jolie, tu me rends dingue. Je rêve que tu viennes sur mon bateau, que toutes les nuits en fasse la bringue. À bâbord ou à tribord, on partira à la dérive. Je veux ton corps, mon trésor, je t'attends sur l'autre rive. Et sur ta marinière, je cherche notre trait d'union. Tu l'as jeté à la mer pour donner à bouffer aux poissons. Ah, nos poisons d'avril, nous de ces pires que la mer à boire. Ne te découpe pas d'un fil, tu rendrais amoureux ton miroir. Et sur ta marinière, je cherche notre trait d'union. Tu l'as jeté à la mer pour donner à bouffer aux poissons. Ah, nos poisons d'avril, nous de ces pires que la mer à boire. Ne te découpe pas d'un fil, tu rendrais amoureux ton miroir. L'océan nous emporte, mais je sais pas si t'es au courant. Viens dans mon équipage, rattrapez-moi sur la jetée. On fera sûrement naufrage, mais on aura au moins essayé. Donc si aujourd'hui je plonge dans l'amour en criant à l'abordage, c'est parce que je plonge mon séjour quitte à revenir à la nage. Je vois bien que tu pètes un câble et que même tu ripostes. Alors courons sur le sable avant qu'un autre t'accoste. Et sur ta marinière, notre trait d'union, tu l'as jeté à la mer pour donner à bouffer aux poissons. Ah, nos poisons d'avril, nous de ces pires que la mer à boire. Ne te découpe pas d'un fil, tu rendrais amoureux ton miroir. Et sur ta marinière, je cherche notre trait d'union. Tu l'as jeté à la mer pour donner à bouffer aux poissons. Ah, nos poisons d'avril, nous de ces pires que la mer à boire. Ne te découpe pas d'un fil, tu rendrais amoureux ton miroir. C'est les batteurs. Jusqu'à demain, elle se donne un air en maillot de bain. Célibataire, jusqu'à demain, prêt à rester sur terre que pour sa main. Ne te découvre pas d'un fil, tu rendrais amoureux ton miroir. Ne te découvre pas d'un fil, tu rendrais amoureux ton miroir. Oshi, ta marinière dans le double expresso RTL 2 à 6h57. Shawn Mendes, In My Blood, c'est possible de l'avoir tout à l'heure. On l'aura, évidemment, il y aura aussi Queen. C'est possible, Jérémy, ou pas ça? Tout à fait. Et Police, bon bah, allez, vous restez là. Bonjour, tout est Justine. Possible. Ça va? Oui. Oui, on est bien. RTL 2 et Triomphe présentent It's the Road Trip America Z66 du 20 avril au 6 mai 2019. Pour cette nouvelle édition, Francis Degut vous fait découvrir avec lui la mythique Route 66. Traversez les États-Unis en partant de Chicago pour arriver à Santa Monica, Los Angeles. Un voyage unique, en moto ou en voiture, en équipe avec Francis Zégut. It's the Road, Trip America Z66, place limitée. Informations et tarifs sur rtl2america.fr. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Allô patron ? Des nouvelles de Lidl ? Ah bah toutes fraîches. Il y a des pommes, des poireaux, des salades, des C'est quoi ces salades ? Et des carottes, des melons, des choux, que des produits frais, de qualité, livrés tous les jours. Et les consommateurs ? Ouais. Eh bah ils ont élu Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année catégorie fruits et légumes. Et nous patron ? Bah on est dans les choux. Oh. Lidl, élu meilleure chaîne de magasins de l'année catégorie fruits et légumes. Tout est dit et c'est vous qui le dites. Étude basée sur 359 606 évaluations de mai à juillet 2018 par Keolia. Plus d'informations sur Lidl.fr. À la fois graphiste, commercial et comptable, il sait tout faire et ça envoie du bois. Lui, c'est René. René Tabli, artisan menuisier et son Citroën Jumpy. Un bon utilitaire, c'est comme un bon artisan, ça doit savoir tout faire. En ce moment, Citroën Jumpy taille M Business avec navigation connectée 3D est à partir de 189€ par mois, maintenance comprise. Citroën. Crédit by 60 mois, 75 000 km, avec premier loyer de 3 130€, offre non cumulable hors taxe réservée aux professionnels, valable jusqu'au 30 octobre, sous réserve d'acceptation crédit par détail sur citroën.fr. Charolaise, Limousine, Blonde d'Aquitaine, Aubrac, Salaire. Les viandes racées vous invitent à découvrir des plaisirs racés. Alors Madame Beauchamp, vous êtes éleveuse de charolaises. Dites donc, elles sont impressionnantes. Oui, c'est sûr qu'elles profitent bien. Elles se nourrissent à l'herbe des prés les deux tiers de l'année. Et puis le reste du temps, c'est le fourrage de la ferme. Les deux tiers de l'année à brouter. Elles entretiennent vos prairies alors? Ah bah c'est sûr que sans nos bêtes, le paysage, il n'aurait pas du tout cette tête-là, hein, si j'ose dire. Et alors ça donne quel type de viande? Bah déjà, une bête qu'on nourrit bien toute sa vie, à qui on a laissé le temps de grandir, naturellement, ça fait une bonne viande, très persillée, très goûteuse. C'est ça, les viandes racées. Bazadaise. Blanc bleu. Rouge des prés. Parthenaise. Gasconne. Les viandes racées, initiez-vous au plaisir racé. RTL2. Dis donc, sympa ta nouvelle voiture. Oh, attends, c'est rien à côté de ma nouvelle assurance. Ah tiens, justement, c'est elle. Bonjour, je suis votre appli Direct Assurance. Je vous confirme que votre nouvelle voiture est désormais assurée chez nous. Et vous venez d'économiser 245€ pour les mêmes garanties qu'ailleurs. Eh, hey, c'est ton appli banque qui va être contente. En souscrivant chez Direct Assurance, 9 nouveaux clients sur 10 déclarent bénéficier du meilleur rapport qualité-prix. Alors rendez-vous sur directassurance.fr. Direct Assurance, on gagne toujours à être direct. Voir détails sur le site. Oh, Cynthia, tu tombes bien. C'est la panique, mon programme de la journée. C'est ce matin que tu pars à Bordeaux ? Oui, j'ai 5 réunions, 2 déj et 3 dîners professionnels. Bon, après je dors dans un hôtel Ibis Budget. Ben, annule quelques rendez-vous, non ? T'as raison. Ben, je vais annuler les 5 réunions, les 2 déj et les 3 dîners professionnels. J'irai juste à l'hôtel Ibis Budget, histoire de me reposer un peu de cette journée. Mais, Sophie... J'y vais, Cynthia, merci, hein. Bonne journée. Ibis Budget, le meilleur rendez-vous de votre journée. À partir de 37€ la nuit dans plus de 300 hôtels partout en France. Sous réserve de disponibilité, conditions sur ibis.com. Bonjour à tous, bon courage, c'est lundi matin. Il est 7h pile, bienvenue. Le son par Police, Queen et Shawn Mendes pour le son pop rock après les infos RTL2 de Raphaël Thomas. Bonjour Raphaël. Bonjour Grégory, bonjour à tous. Direction l'Aude pour Emmanuel Macron. Une semaine après les intempéries qui ont fait 14 morts et plus de 70 blessés, le chef de l'État est attendu à Villallier, l'un des villages les plus touchés par les crues. Il y rencontrera les familles des victimes et les maires des villes sinistrées. Le président se rendra ensuite à Trèbes où 6 personnes ont été tuées. Au total, l'état de catastrophe naturelle a été reconnu dans 126 communes du département. Les dégâts matériels sont estimés à 200 millions d'euros. Il avait braqué sa professeure avec une arme factice pour ne pas qu'elle note son retard en cours. L'élève, filmé jeudi dernier dans un lycée de Créteil dans le Val-de-Marne, a été mis en examen hier soir pour violences aggravées. Âgé de 16 ans le mois prochain, il risque jusqu'à 3 ans de prison. L'auteur de la vidéo n'a pas été identifié, mais des poursuites contre X ont été engagées pour sa diffusion sur les réseaux sociaux. Et c'est donc dans ce contexte que le portable pourrait être interdit au lycée. Oui, c'est en tout cas ce qu'encourage le ministre de l'Éducation. Dans un entretien aux Parisiens aujourd'hui en France, Jean-Michel Blanquer rappelle ce matin que la loi récente qui interdit le téléphone dans les écoles et les collèges permet désormais aux lycées d'en faire de même. Le gouvernement lance une nouvelle enquête sur des cas de malformations. Depuis 2007, plusieurs bébés sont nés sans main, sans bras ou sans avant-bras dans des périmètres très restreints. 7 dans l'Ain, 3 en Loire-Atlantique, 4 en Bretagne. Certains élus écologistes pointent du doigt les pesticides, ce que n'avait pas confirmé une première enquête de l'agence sanitaire. La ministre de la Santé, Agnès Buzyn, a finalement estimé hier que l'absence de réponse était insupportable. Allez, on passe au sport, Raphaël, avec la victoire de Marseille sur Nice hier soir en Ligue 1. L'OM l'OM l'a emporté 1-0 en clôture de la 10e journée. Un peu plus tôt, Montpellier a battu Bordeaux 2-0 et Saint-Etienne et Rennes ont fini sur un nul 1 partout. En rugby, l'exploit de Toulouse lors de la 2e journée de la Coupe d'Europe. Le club a battu le Leinster, champion en titre 28-27. Montpellier, en revanche, a été dominé 23-20 par Newcastle. Enfin, en Formule 1, le Finlandais Kimi Raikkonen a remporté hier soir le Grand Prix des États-Unis. Du coup, Lewis Hamilton arrive en 3e position, va devoir patienter pour être sacré champion du monde. Ouais, on va pas patienter longtemps, va. Une semaine ? Ouais. La météo dans la matinée, une perturbation s'étendra des Pays de la Loire à la frontière belge avec un ciel couvert et un petit peu de pluie. Dans le sud, là aussi, la journée débutera sous la grisaille. L'après-midi, le temps sera nuageux de la Charente à la Lorraine, mais des éclaircies reviendront de la Bretagne au nord. Même chose dans le sud, où on attend un beau soleil. Près de la Méditerranée, attention, le Mistral et la Tramontane vont souffler fort en rafale jusqu'à 60 km/h. Les températures, elles sont en baisse. 4 degrés à Strasbourg ce matin, 11 à Arcachon, 12 à Beauvais, 13 à Caen et Saint-Brieuc, 14 à Lille-Rousse, 17 à Saint-Tropez. Cet après-midi, on attend 14 degrés à Dunkerque et Belfort, 15 à Paris, 16 à Angers, 19 à Aurillac et 20 à Carcassonne. Dès votre réveil, 6h-9h, le double expresso RTL 2. Help me, it's like the walls are caving in. Sometimes I feel like giving up, but I just can't. It isn't in my blood. Laying on the bathroom floor, feeling nothing. I'm overwhelmed and insecure. Give me something I could take to ease my mind slowly. Just have a drink and you'll feel better. Just take her home and you'll feel better. Keep telling me that it gets better. Does it ever? It's like the walls are caving in. Sometimes I feel like giving up. No medicine is strong enough. Someone help me. I'm crawling in my skin. Sometimes I feel like giving up, but I just can't. Phone again, feeling anxious, afraid to be alone again. I hate this. I'm trying to find a way to chill. Can't breathe. Oh, is there somebody who could help me? It's like the walls are caving in. Sometimes I feel like giving up. No medicine is strong enough. Someone help me. Sometimes I feel like giving up, but I just can't. It isn't in my blood. It isn't in my blood. I need somebody now. I need somebody now. I need somebody now. Help me. It's like the walls are caving in. Sometimes I feel like giving up, but I just can't. Shawn Mendes, In My Blood, dans le double expresso RTL de 7h06. Grégory Hacher et Justine Salmon. Le double expresso RTL 2 de 6h à 9h. Et allez, hop, c'est reparti pour un tour. Ce sont les vacances et pourtant nous sommes là évidemment tout au long de cette semaine, vacances de la Toussaint. Bonjour Justine. Bonjour Greg, bonjour à tous. Et bonjour l'équipe. Bonjour. Ah, il y a du monde là, il y a tout le monde qui est là. Max, notre community manager, Jonathan O'Donnell qui traîne toujours également dans le coin. Ah oui, j'aime bien être là. J'aime être crush, hein. Ouais, je suis là, j'ai une sensu. Et puis Jérémy qui est aux manettes. Oui, tout évidemment. À fait. Bonjour Jules, Anna et Clara. Et bon anniversaire à Clara. Ah, bah, ah oui. Happy birthday to you. C'était hier, mais bon anniversaire quand même. Bah oui. Ah bah oui, on lui a souhaité, c'est appelez-la vrai. Pour lui souhaiter au 3228. Oui, ou pour gagner tout simplement bah jusqu'à aussi. 10 000 euros également, hein, puisqu'on a, on a quand même la banque qui est toujours là au 3228, également des séjours pour 4 personnes au parc Astérix. 3228, la banque, ce sera aux alentours de 7h45 ce matin. Puis du son pop rock, évidemment. On va attaquer cette nouvelle heure avec Queen, Heaven for Everyone, dans le double expresso RTL2. On vous souhaite un excellent début de semaine. This could be heaven. This could be heaven. This could be heaven. This could be heaven. This could be heaven for everyone. In these days of cool reflection, you come to me. Seems alright in these days of cold affection. You sit by me and everything's fine. This could be heaven for everyone. This world could be fair. This world could be fun. Could be heaven for everyone. This world could be free. This world could be one. In this world of cool deception, just your smile can smooth my ride. These troubled days of cruel rejection, you come to me, soothe my troubled mind. Yeah, this could be heaven for everyone. This world could be fair. for Everyone. On vous rappelle que Bohemian Rhapsody, le film qui retrace la carrière de Queen et la vie de Freddie Mercury, sortira le 31 octobre prochain avec RTL2 et on vous prépare pas mal de surprises à cette occasion. Un film événement, évidemment. Simplement. T'as pas un petit chiffre rigolo à nous dire ? Oui, si, j'ai un chiffre marrant. C'est vraiment très marrant. Parce que tu nous en parles pendant toute la chanson. Et là, elle regarde, ouais. Elle me fait ouais. Ah oui, tiens, qu'est-ce que c'est ? Alors, vous allez me dire si vous êtes concernés. Non, c'est les jeunes. 26% ouais, oh. Des jeunes préfèrent leur portable au sexe. Ah non, 26% non, non. C'est quand même jeunes, énorme. Non, non. 26%, c'est quand même énorme, non ? Ah bah oui, c'est flippant. Et c'est les 26% pas. Qui l'ont jamais fait, à mon avis. Qui oui, utilisent leur portable pour. Voilà. Moi, je préfère Fortnite. Ouais, non, c'est non, trop non. Bien. Police, every breath you take. Et puis si on vous reproche souvent de trop faire de shopping, hein Justine, mais bon je dis ça comme ça, arrêtez de culpabiliser. Si vous faites ça, c'est pour votre santé et votre bien-être. Ah. C'est la preuve dans ma douve, dans mon info expresso qui arrive. Ça te concerne aussi, hein, je veux oui, pas dire, mais bon. De manière impulsive, à tout de suite sur RTL2. Bonjour, c'est Lenny Kravitz. Écoutez RTL2. Partez à la rencontre de Lenny Kravitz pour son concert à Milan. À tout moment sur RTL2. RTL2, la radio pop rock. À vous qui criez cocorico devant les produits du terroir. À vous qui voyez le monde plus beau en bio. À vous qui aimez les prix vraiment imbattables. Découvrez nos 3000 produits Netto qui répondent à vos besoins au prix les plus bas du hard discount. Netto, le discounter qui fait la différence. Si vous trouvez moins cher ailleurs, Netto vous rembourse deux fois la différence. Modalité sur netto.fr. Salut, moi c'est Bruno. Bruno optimiste. Eh oui, je positive tout. Par exemple, si les freins de ma voiture sont usés, je dis super. Et si mes pneus sont aussi usés, je dis trop super. Car en ce moment, chez Citroën, jusqu'à 320€ de carburant sont offerts sur une sélection de prestations. Donc, plus j'entretiens ma voiture chez Citroën, et plus je fais de plein de super. Bref, super. Merci Citroën. Les services Citroën vous simplifient la vie. Citroën. Offre réservée aux particuliers, valable sur des travaux réalisés du 1er septembre au 31 octobre 2018 dans le réseau Citroën France participant. Détails sur citroën.fr. Leclerc. Philippe, regarde, pour le Noël des petites de Régis, t'as vu ce jouet-là ? Quoi, la poupée ? C'est un poupon d'éveil interactif. Regarde, parfois il est malade et t'as un kit complet pour le soigner vraiment. Le stéthoscope, les médicaments, le thermomètre. Et en plus, il y a 10€ de ticket Leclerc. Du 23 octobre au 8 décembre chez Leclerc, le poupon Chicho Bello Bobo est à 67,90€, dont 13 centimes d'éco-participation. Avec en plus 10€ en ticket Leclerc. Voir modalité et magasin participant sur www.e.leclerc. Super idée ça pour Noël. Et avec 10€ de ticket Leclerc. Tous les jours, partout en France. RTL2, le son pop rock. When you look so good, the pain in your face doesn't show. Oh, you see. 7h18. Et bonjour vous. Bonjour Justine. Salut Greg. Bonjour tout le monde. Bon courage pour ce 22 octobre qui démarre. On va vous donner du sourire et de l'info expresso. On va parler shopping. C'est bon pour la santé, je vous assure. C'est après Police, Every Breath You Take, dans le double expresso RTL 2. Every Breath You Take dans le double expresso RTL 2. Boum, 7h21. L'info expresso RTL 2. On parle shopping. Oui, et j'ai une excellente nouvelle parce que nous sommes toutes et tous un peu accro au shopping. D'ailleurs, oui. Nous, quand on a des cadeaux sur des sites et qu'on vous dit il y a 500 euros à gagner, on dit valider les paniers. C'est un truc qui nous rend heureux. Et surtout parce qu'on est professionnel. Parce que je suis professionnel, j'y vais sur ce site. Puis, sauf que moi, j'ai pas le bon 500 euros. Mais je dépense quand même. Bah oui, bien sûr. Et bien là, je vais pouvoir vous faire déculpabiliser. Figurez-vous que l'université du Michigan a enquêté sur le mythe des vertus d'une séance de shopping. Souvent, on dit oh, ça va nous faire du bien, une petite séance de shopping. Et bien, c'est pas des paroles en l'air, c'est la vérité. Ça m'étonne pas. Le résultat est clair. Écoutez bien, le shopping fait du bien et réduit le sentiment de tristesse. Ah mais vraiment, si vous vous faites larguer, vous faites quitter, et ben vous allez faire du shopping, je vous promets que ça va mieux. Moi je sais pas, je me suis jamais fait larguer moi, tu vois. Mais ça fait peur parce que tu vas chaque semaine, donc ça m'inquiète pour tes relations. Hein. Bah, elle est peut-être triste dans sa vie, mais elle est heureuse grâce à son portefeuille. Les scientifiques ont analysé la question d'estime lors d'achats en période de stress, et il semble clair que le shopping soit le meilleur remède pour sentir mieux. Vous êtes livré à vous-même, vous devez faire vos propres choix, rien de mieux que le shopping pour booster votre confiance et votre morale. Voilà, donc c'est prouvé. Vous pouvez le dire maintenant, c'est scientifique. J'ai un petit coup de mou, j'ai besoin d'aller faire du shopping. Dites-le à votre banquier, je pense qu'il va être un tout petit peu moins d'accord. When the days are cold and the cards all fold and the saints we see are all made of gold. When your dreams all fail and the wrongs we hail are the worst of all and the bloods run stale. I wanna hide the truth, I wanna shelter you, but when the last of all. When the lights fade out, all the sinners crawl. So they dug your grave in the masquerade. We'll come calling out at the mess you've made. Don't wanna let you down, but I am hellbound. Oh, this is all for you. Don't wanna hide the truth. No matter what we breed, we still are made of greed. This is my kingdom come. This is my kingdom come. L'expresso, c'était Demons. Merci d'être avec nous. Quelle heure il est? Il est 7h25, c'est l'heure de votre horoscope. Allez, on y va. Avec les Gémeaux, les médailles de bronze, Justine. La semaine démarre difficilement, tenez bon. Les Lions. Ne comptez pas uniquement sur les autres pour avancer. Nous avons ensuite les Sagittaires. N'oubliez pas de sourire, la vie est belle. Là, les médailles d'argent avec les Béliers. Vous allez beaucoup rire cette semaine, tant mieux. Les Taureaux. De rester aussi tolérant que vous l'êtes, c'est une très grande qualité. Les Cancers. Votre bonne humeur rend les autres heureux. Nous avons les Vierges. La chance sera de la partie aujourd'hui. Les Balances. Malgré votre dose importante de travail, vous gardez la pêche. Les Scorpions, Justine. Votre gentillesse est très appréciée par vos proches. Toujours médaille d'argent, les Verseaux. Soyez patients, vos efforts vont bientôt porter leurs fruits. Les Poissons également. Vos idées bouillonnent aujourd'hui. Oh. Et puis la médaille d'or du jour, c'est pour qui, tiens? Pour les Capricornes, une très bonne nouvelle devrait arriver à très bientôt. Cela illuminera votre semaine. Eh bien, bravo les Capricornes. Du son pop rock, Jérémy, s'il te plaît, serre-moi. Ah oui, serre-moi. Ah ouais, Carole Frédérique, Michael Jones et Jean-Jacques Goldman. Il suffira d'un signe. En live, et puis il y aura ma chanson du jour également, sans oublier la banque RTL2 jusqu'à 10 000 euros gagnés à 7h45. Mais quel programme, merci RTL2, merci Justine, merci Greg, merci la France, merci nous. Salut, c'est Eric Jean-Jean. Tous les jours, à partir de 16h, je vous retrouve avec le Drive RTL2 pour vous raccompagner chez vous. Avec au menu du son pop rock, des jeux, des infos sur le son pop rock, des interviews, des découvertes et encore du son pop rock. Bref, à tout à l'heure sur RTL2. Tous les jours, 16h-19h, le Drive RTL2. Avec le service après-vente Peugeot, entretenez l'émotion. Un pare-brise en parfait état, sans aucun impact ni fissure, est la garantie d'un confort de vision optimum. Voir la route dans ses moindres détails vous permet d'anticiper en toute sécurité et surtout, de profiter pleinement des sensations de conduite de votre Peugeot. En ce moment, chez Peugeot, la franchise est remboursée pour le remplacement de votre pare-brise. Prenez rendez-vous sur Peugeot.fr. Voir conditions en ligne. Lorsque vous êtes gérant d'une entreprise, chaque journée est un nouveau défi. Entre les rendez-vous clients et les problèmes de photocopieuse, pas le temps de passer des heures à consulter des CV. Et c'est là qu'Indeed entre en scène. Lorsque vous publiez votre offre d'emploi sur Indeed, vous pouvez définir des questions de présélection afin de ne retenir que les candidats qualifiés. Et pour encore plus d'efficacité, Indeed propose des offres d'emploi sponsorisées. Rendez-vous sur indeed.com/offres pour bénéficier de 50 euros offerts. Les conditions générales s'appliquent et sont disponibles sur notre site. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année. Allô patron? Alors, cette foire à la viande. Bon ben, vous fâchez pas, hein. Mais en ce moment, les quatre hachés au porc français façon savoyarde sont à 3,99€ les 720 grammes. 3,99€ les 4, 1€ pièce, et je dois me poêler. Des hachés à poêler? Ah oui, hein, à moins 20%. Et bardé de lard, patron. Hein. Pour toi aussi, ça va barder, hein. T'es mal, hein. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Plus d'informations sur Lidl.fr. 5,54€ le kilo, transformé en France. Offre valable jusqu'au mardi 30 octobre. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et sucrés. RTL2. Alors, t'es... T'es pour qui, mardi? Bah, tu sais, je suis un peu anglais par le demi-frère de ma cousine, donc allez Manchester. Mais j'ai fait italien LV2 au collège, donc je suis un peu turinois. Y a aussi Hoffenheim Lyon mardi. Alors figure-toi que j'ai eu un berger allemand qui s'appelait Gunther. Pas besoin de choisir. Manchester United, Juventus de Turin et Hoffenheim Lyon mardi à 21h en multiplex et en exclu sur la chaîne RMC Sport. Abonnez-vous à partir de 9€ par mois sans engagement sur rmcsport.tv. Offre soumise à condition, 9€ par mois pour les abonnés mobile et box de SFR jusqu'au 19 novembre ou 19€ par mois en abonnement digital. Charolaise, Limousine, Blonde d'Aquitaine, Aubrac, Salers. Les viandes racées vous invitent à découvrir des plaisirs racés. Alors monsieur Dubois, vous êtes boucher spécialisé dans la Limousine. Tout à fait, d'abord parce que c'est une race de chez nous. Et puis là on est sur des bêtes qui sont nourries au pâturage presque toute l'année hein. Au final on a une viande d'exception quoi. C'est-à-dire? Ah ben un goût incomparable, hein. C'est fondant, avec un grain très fin, des saveurs qui s'expriment. Vous êtes un défenseur du goût en fait. C'est ça, alors moi c'est de la Limousine hein, mais j'ai des collègues qui préfèrent la Salers ou l'Aubrac. Et d'autres qui sont plus sur de la Blonde d'Aquitaine ou de la Charolaise, voilà. Que des viandes racées quoi, et surtout bien élevées. Bazadaise, Blanc Bleu, Rouge des Prés, Parthenaise, Gascogne. Les viandes racées, initiez-vous au plaisir racé. C'est l'heure des infos sur RTL2 avec Raphaël Thomas. Bonjour Raphaël. Bonjour Justine, bonjour à tous. Il ne voulait pas qu'elle le note absent. L'adolescent de 15 ans qui avait braqué sa prof la semaine dernière avec une arme factice dans un lycée de Créteil a été mis en examen pour violences aggravées. Il a été relâché mais il a interdiction de séjourner dans le Val-de-Marne. L'enseignante, elle, a déposé plainte. Elle s'est vue prescrire 7 jours d'interruption de travail. Emmanuel Macron demande au ministre de l'Éducation de prendre toutes les mesures pour que ce type d'incident ne se reproduise pas. Tariq Ramadan de retour chez les juges. Le théologien suisse doit donner ce midi au magistrat sa nouvelle version des faits après la révélation récente de centaines de SMS à charge. Dans ses textos échangés avec l'une des femmes qui l'accuse de viol, il s'excuse pour sa violence et expose des fantasmes de domination, des écrits qui contredisent complètement sa défense. Lors de leur confrontation, l'islamologue n'avait concédé qu'un jeu de séduction, affirmant n'avoir bu qu'un verre avec la plaignante. Attention, si vous habitez le sud ou si vous y avez séjourné dernièrement, il ne faut pas donner votre sang pendant 28 jours. En cause la présence du virus du Nil transmis par les moustiques. La maladie peut se manifester par un syndrome grippal et une éruption cutanée. Sont concernées les Alpes-Maritimes, le Var, les Bouches-du-Rhône, le Vaucluse, les Pyrénées-Orientales et Monaco. À l'étranger, l'Arabie Saoudite continue de clamer sa bonne foi deux jours après avoir reconnu la mort du journaliste Jamal Khashoggi au consulat saoudien d'Istanbul. Riyad affirme ne pas savoir où se trouve son corps. L'Europe, les États-Unis et le Canada exigent des réponses sous peine de sanctions. De son côté, la Turquie promet de révéler prochainement toute la vérité sur le meurtre du reporter. On passe au sport avec, en rugby, la belle opération de Toulouse hier en Coupe d'Europe. Les Toulousains ont battu le Leinster, champion en titre 28-27 en clôture de la deuxième journée. De son côté, Montpellier a été dominé 23-20 par Newcastle. En football, Marseille, de son côté, l'a emporté 1-0 en clôture de la dixième journée de Ligue 1. Un peu plus tôt, Montpellier a battu Bordeaux 2-0 et Saint-Etienne et Rennes ont fini sur un nul 1 partout. Au classement, le Paris Saint-Germain est leader, suivi de Lille, 8 points derrière, de Montpellier et de Marseille. La météo, dans la matinée, une perturbation s'étendra des Pays de la Loire à la frontière belge avec un ciel couvert et un peu de pluie. Dans le sud, là aussi, la journée débutera sous la grisaille. L'après-midi, le temps sera nuageux de la Charente à la Lorraine, mais des éclaircies reviendront de la Bretagne au nord. Même chose dans le sud, on attend un bon soleil. Près de la Méditerranée, le Mistral et la Tramontane devraient souffler en rafale jusqu'à 60 km/h. Les températures ce matin, 4 degrés à Thionville, 10 à Paris, 12 à Vannes, 13 à Boulogne-sur-Mer, 14 à Pau, 15 à Ajaccio et 17 à Cannes. Cet après-midi, on attend 16 degrés à Orléans, au Mans et à Clermont-Ferrand, 17 à Auxerre et Dijon et 21 degrés à Perpignan. 7h32, bonjour à tous, bonjour l'équipe. Bonjour. Salut. Bonjour Justine, tu vas bien? Ouais Greg, et toi? Ouais, ça va très bien. Tiens, nous on est un duo, voilà un trio. Carole Fredericks, Michael Jones et Jean-Jacques Goldman. Il suffira d'un signe en live dans le double express sur RTL2. Bonjour. Je suis Frédéric, Michael Jones et Jean-Jacques Goldman en live dans le double expresso RTL 2, il suffira d'un signe. RTL 2, la chanson du jour. Tu nous prépares quoi pour ce lundi, Greg? Lilywood and the Prick, Prayer in Sea. C'est un groupe français qu'on connaît bien, évidemment. C'était leur premier album, Invisible Friends, qui est sorti en 2010. Joli succès, ça marche bien, mais... Mais c'est le remix de la chanson en 2014 par le DJ allemand Robin Schulz qui va les propulser dans une autre dimension puisqu'ils vont devenir numéro 1 partout en Europe. La chanson va revivre, va connaître une deuxième naissance et ça va être un carton mais absolument phénoménal. Quand je te dis numéro 1 partout en Europe, c'est numéro 1 partout en Europe. On adore cette chanson. Si tu le dis, tu le dis. Oui. D'ailleurs, est-ce que je vous ai dit que c'était numéro 1 en Europe? Je ne sais pas si je vous l'ai suffisamment dit. Toujours est-il que c'est un énorme succès et c'est le DJ lui-même, c'est ça qui est assez amusant, qui a pris son téléphone, même pas une boîte mail, et qui a écrit « Bonjour les gars, j'adore votre chanson, je voudrais la remixer ». Comme il avait déjà fait 2-3 trucs, ils se sont dit « Bah vas-y, essayons pour voir ce que ça peut donner ». Le groupe expliquera avoir adoré sa version, beaucoup plus solaire que le guitare-voix originelle. Du coup, bah, ça a été un énorme succès pour nos petits Frenchies qu'on écoute. Lilywood and the Prick, voici Prayer in Sea dans le double expresso RTL 2. RTL 2 revue corrigée par Robin Schulz, c'était Prayer in Sea. C'est bien ça, hein, c'est bien, c'est génial. 8h-20, nous allons jouer à la banque RTL 2, on peut s'inscrire dès maintenant. Vous appelez Clara au 32-28, sinon vous envoyez le mot banque par SMS au 74-900, on a de super cadeaux encore cette semaine. Ouais. On a des séjours pour 4 personnes au parc Astérix, tiens, qu'on vient de rajouter dans la banque. Ah, très bien, et jusqu'à 10 000 euros à gagner, c'est pas pour toi Jonathan, t'as pas le droit. Oui, bah, puis il y aura Kiss, non? Tu peux tenter. C'est bien de tenter, non. Tu peux pas appeler. On a bloqué ton forfait. I was mad for loving you, Kiss, pour le son pop rock RTL 2. C'est assez sage. Ah ouais? Non. Ça suffit, range ton portable. RTL 2 présente Boulevard Désert, en concert très très privé, le 16 novembre à Toulouse, dans le cadre exceptionnel du musée Aéroscopia. Si je reste ici... Salut, c'est Boulevard Désert. Retrouvez-nous en concert très très privé RTL 2. Dès que vous entendez un titre de Boulevard Désert, soyez les premiers à appeler RTL 2 au 3228. Et gagnez le transport, l'hôtel et vos invitations pour leur concert très très privé RTL2. RTL2, c'est le son pop rock. 50 centimes la minute, plus prix de l'appel. Cofidis et Éric Jean-Jean présentent Préjugé numéro 16. Les intervieweurs de stars prennent la grosse tête. Mais bonjour à tous les fans. Mais c'est trop d'honneur les gars. Bon, vous insistez, d'accord, mais faites vite parce qu'après j'ai une interview. Parce qu'avec mon emploi du temps, c'est pas toujours facile. Vous voulez que je change de profil pour la photo? Non mais faites vite parce que après... Bon Éric, s'il te plaît, tu veux bien te pousser maintenant. Les photographes, ils sont là pour ton invité. Ah ouais, ok. Mais un petit selfie quand même, un petit. Vous trouvez ça absurde? Nous aussi. Changez votre regard sur les préjugés. Leclerc. Maman, viens voir. Ah, les Playmobil. Dis donc, ce rayon-là, tu l'aimes. J'adore. Regarde là, c'est le commissariat de police Playmobil. Avec trois personnages, la salle de contrôle, les cellules et même un héliport. Ah ouais, quand même. C'est top ça pour Noël. Du 23 octobre au 8 décembre chez Leclerc, le commissariat de police Playmobil est à 59,90€. Avec en plus, 10€ en ticket Leclerc. Disponible en ligne et en magasin, voire modalité et magasin participant sur www.culture.leclerc. Allez, maman, c'est bien un commissariat. Oui, bah tu verras ça avec le Père Noël. Passer sans me voir, sans même me dire bonsoir. Donnez-moi un peu d'espoir. Vous passez souvent tout près des femmes et des hommes qui travaillent pour vous sur les routes. Pour leur sécurité comme pour la vôtre, soyez toujours attentifs. Sécurité des agents des routes. À vous aussi d'écarter le danger. Le son pop rock RTL2 à tout moment avec vous, avec l'appli RTL2. Écoutez ces nouveaux 5 Seconds of Summer, Young Blood sur RTL2. Remember the words you told me, love me till the day I die. Surrender my everything cause you made me believe you're mine. Yeah, you used to call me baby, now you're calling me by name. Takes one to know one, yeah, you beat me at my own damn game. You pushing, I'm pulling away from you. I give and I give and I give and you take. One of us gets too drunk and calls about 100 times. So who you been calling, baby? Nobody could take my place. Yeah. 7h46, bonjour à tous, bonjour Justine. Hello Greg, bonjour tout le monde. Bonne nouvelle, si vous aimez Kiss, après 45 ans de carrière, ils vont entamer une ultime tournée mondiale. Parce la qu'on bonne a cru nouvelle. Qu'ils allaient se séparer, mais oui, ça sera après la tournée mondiale qui est prévue pour 2019, End of the Road World Tour. Le chanteur a expliqué qu'il s'agirait de la plus grosse tournée de leur histoire. On vivra ça évidemment avec RTL 2. Chanson qui met de bonne humeur dès le matin. Kiss sur RTL 2. C'est l'heure de la banque RTL 2. Bonjour Rebecca. Bonjour Greg. Bonjour. Salut Rebecca. Ça va bien? Super, ça va très très bien. Je suis très contente d'être avec vous ce matin. Bah nous aussi, vous êtes en Seine-et-Marne à Claye-Souilly, c'est ça? Exactement. Souilly, oui, hein, tout vas-y. À fait. Oui. 105.9. Qu'est-ce que vous faites de beau dans la vie? Alors je suis infirmière. Ouais. Et je travaille ce matin. Voilà. Vous n'avez pas de vacances? Non, pas ces jours-ci, pas ces derniers temps, non. Bon, il y aura peut-être le pont la semaine prochaine. Nous, on va vous proposer de jouer avec nous, alors pour gagner justement des vacances, en famille aussi. Vous avez des enfants? Oui, j'ai deux garçons de 10 ans et 14 ans, oui. Ah. Et ça pourrait leur plaire un petit séjour, par exemple, au parc Astérix? Ça pourrait être pas carrément, mal. Carrément, enfin, oui. Justine dit petit séjour, mais c'est un tic de langage. C'est un séjour d'une valeur de 1000 euros. Donc autant vous dire que c'est un beau séjour. Parce que c'est dans mon langage. J'ai tout le temps des petits, moi. Allez, on y va. Je répondrai pas. Attention, on y va. 3, 2, 1. Bon. Top chrono, Garo, coffre vide, coffre 1. Une PlayStation 4. Ah, ça commence bien, ça, pour les enfants. PS4, 299 euros. On l'a déjà. Ah bon, alors coffre 2. Le concert à l'Accor Hotel Arena d'Indochine. Il est là, le concert. J'ai pas entendu. Le concert d'Indochine à l'Accor Hotel Arena. Les dernières places, hébergement, transport pour vous et la personne de votre choix. Alors, j'aime bien Indochine, mais je vais quand même passer. Coffre 3. Un robot pâtissier KitchenAid. 499 euros. Okay. Oh là là. J'en ai déjà un, oui. Coffre 25 4. 25 secondes. Une copie double petit carreau. Ben voilà, impeccable. Je passe. Coffre 5. Un séjour pour 4 personnes au parc Astérix. Oh là là là. 950 euros. Qu'est-ce qu'on fait? Je prends. Vous êtes sûr, il y a peut-être 10 000 euros derrière. Hein. Ouais, mais je suis contente de faire plaisir à mes enfants. Eh ben bravo. Ouais. La super maman, bravo Rebecca. Merci beaucoup, merci Greg, merci Justine, avec merci plaisir. À RTL2. Vous allez pouvoir vivre un moment inoubliable pendant Peur sur le parc. C'est jusqu'au 4 novembre avec maison hantée, spectacle de rue, attractions métamorphosées, avec l'hébergement pour 4 personnes, la demi-pension également, la totale et les 4 entrées bien sûr, super, pour les 2 jours super. Au parc Astérix. Ah, vous serez content. Bien, vous merci serez beaucoup. Bien à l'hôtel Les Trois Imous, la cité suspendue, ah, vous serez bien. On vous embrasse. Est-ce qu'il y avait encore dans le coffre suivant? Il restait 7 secondes, Jérém, il y avait le temps d'ouvrir un coffre. Oula. Oh, bien joué. Ah. Ouf. Ah, super. Ouf. On vous embrasse, Rebecca. Vous souhaite une belle journée. Une moi seule aussi, question. Très belle journée. Bah, la question, qu'est-ce qu'on vous sert sur RTL2, Rebecca? Un double expresso. Blackburn, I'm so long without you, boy. Sur RTL2, comme 7h55. RTL2, les savoirs inutiles. Pour briller en société. Une question très simple ce matin dans les savoirs inutiles. Pourquoi a-t-on des noms de famille? Ah. Ah bah oui, c'est vrai, bah, vous n'êtes pas posé cette question un jour. Pour nous différencier. Pas mal. Ah, ah. C'est sûr, c'est sûr. Pas mal. Et ben voilà, c'est le savoir inutile du jour. Bonne matinée. On va un peu creuser tout ça. Jusqu'au 11e siècle, les Français ne portaient que des noms de baptême, c'est-à-dire leurs prénoms. Ah ouais. Mais déjà dès le 12e, face au nombre d'habitants toujours plus élevé, il a fallu trouver une solution. Donc l'apparition des noms de famille est liée aux surnoms que les habitants se donnaient entre eux. Ah oui. Donc, dans une même localité, s'il y avait par exemple 15 Paul, 12 Pierre, 4 Hélène, il fallait bien les distinguer des uns des autres. Oui, voilà. Forcément. Alors, comment étaient choisis les noms? Alors, il y avait 4 manières différentes. C'est hyper drôle. Vas-y. La première, reprendre le nom de son père. Donc, si tu t'appelais Le prénom, Pierre, tu veux dire, s'il n'y avait pas de nom. Le prénom, pardon. Ah, oui. Si tu t'appelais Pierre et que ton père était Alphonse, tu t'appelais Pierre-Alphonse. Voilà, bravo. Ah oui, et si ton père s'appelait Pierre et que t'as appelé Pierre, t'as appelé Pierre-Pierre. Voilà. Ouais. La deuxième manière, utiliser le nom du métier. Si vous étiez boulanger, bah Pierre Boulanger. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de boulangers ou en nom de famille. C'est vrai, boulanger, boucher, il y a plein de trucs comme ça. C'est vrai. La troisième manière, une particularité physique. Alors ça, c'est étonnant. Ah oui, bah si. Le roux, le grand, le gros. Petit, il y a plein de petits. Bah oui. Bien sûr. C'est drôle ça. C'est incroyable. Et la quatrième manière, l'endroit d'où tu venais. Donc Greg, le Bordelais par exemple. Et voir si t'habitais près d'un pont, on pouvait même dire le pont. Ouais, ou Dupont, c'est ceux qui étaient sans domicile fixe et qui vivaient sous les ponts, c'était les Dupont. Non mais c'est véridique tout ça, c'est incroyable. On en apprend des choses quand même. Oh bravo, oh, j'adore. Ah, écoute, t'as failli t'appeler Justine Alcool. Mais ça va pas. Arrêtez avec cette fausse réputation. Ouais, c'est pas là. Drôle. Elle aurait pu s'appeler Justine Chocolatine. Shania Twain arrive dans quelques secondes. Merci. Il y a d'autres choses qui me caractérisent, non? Justine Trip. Justine Cassoulet, je sais pas, tous les trucs au monde. Voilà, Justine porte un bonnet quand il fait froid. A tout de suite sur RTL. Souffle pas, c'est pas poli. Bonjour, c'est Lenny Kravitz. Écoutez RTL 2. Partez à la rencontre de Lenny Kravitz pour son concert à Milan. À tout moment sur RTL 2. RTL 2, la radio pop rock. Sur RTL 2, c'est bientôt le changement d'heure. Retrouvez les conseils du coach Rosanna pour rester en forme. Le passage à l'heure d'hiver peut perturber votre réveil. Pour passer le cap en douceur, chaque matin, position debout, rentrez le ventre, étirez-vous, main le plus haut possible, relâchez et recommencez. Et surtout, buvez régulièrement Rosanna. Rosanna est une eau minérale naturellement gazeuse, elle contient du magnésium et le magnésium contribue à réduire la fatigue. Mon magnésium, c'est Rosanna. À la fois conseiller, commercial et responsable SAV, il sait tout faire en évitant les tuiles. Lui, c'est Richard. Richard Doise, artisan couvreur et son Citroën Jumpy. Un bon utilitaire, c'est comme un bon artisan, ça doit savoir tout faire. En ce moment, Citroën Jumpy Taille M Business avec navigation connectée 3D est à partir de 189€ par mois, maintenance comprise. Citroën. Crédit bail 60 mois, 75 000 km, avec premier loyer de 3130€, offre non cumulable hors taxe réservée aux professionnels, valable jusqu'au 30 octobre, sous réserve d'acceptation crédit par détail sur citroën.fr. Saviez-vous qu'avec les contrats garantis électricité et gaz naturel, EDF Entreprises vous assure des prix fixes jusqu'à 3 ans? Cela vous permet de mieux gérer votre budget et de vous concentrer sur votre activité. Parce que la vie de professionnel est assez compliquée comme ça. Contactez-nous au 3022, service et appel gratuit. Offre de marché réservée aux clients professionnels souscrivant une puissance inférieure ou égale à 36 kV-ampères pour l'électricité ou consommant moins de 300 MWh par an de gaz naturel. Voir caractéristiques et prix sur edf.fr/entreprise. L'énergie est notre avenir, économisons-la. RTL2. Charolaise. Limousine. Blonde d'Aquitaine. Aubrac. Salaire. Les viandes racées vous invitent à découvrir des plaisirs racés. Alors, Madame Beauchamp, vous êtes éleveuse de charolaises. Dites donc, elles sont impressionnantes. Oui, c'est sûr qu'elles profitent bien. Elles se nourrissent à l'herbe des prés les deux tiers de l'année. Et puis, le reste du temps, c'est le fourrage de la ferme. Les deux tiers de l'année à brouter. Elles entretiennent vos prairies, alors? Ah bah, c'est sûr que sans nos bêtes, le paysage, il n'aurait pas du tout cette tête-là, hein, si j'ose dire. Et alors, ça donne quel type de viande? Bah déjà, une bête qu'on nourrit bien toute sa vie, à qui on a laissé le temps de grandir, naturellement, ça fait une bonne viande, très persillée, très goûteuse. C'est ça, les viandes racées. Bazadaise. Blanc bleu. Rouge des prés. Partenaise. Gascogne. Les viandes racées, initiez-vous au plaisir racé. Ma chérie, qu'est-ce que tu fais la tête en bas devant ton placard à chaussures? Je me prépare aux offres renversantes de Besson Chaussures. Pendant les Best Only Days, ils font jusqu'à moins 50%. Moins 50%, c'est renversant! Jusqu'au 4 novembre, selon quantité d'articles achetés, voire conditions et magasins participants sur besson-chaussures.com. Besson Chaussures. Elle a l'air neuve, ta Mini. T'es sûr que tu roules avec? Mais c'est que je l'entretiens bien, moi. Oh, bah c'est impressionnant. Bah oui, je la fais entretenir chez Mini Service. Et tout ce qu'il remplace est certifié d'origine. Ah bon? Bah oui. Et en plus, je sais qu'elle sera bichonnée par des spécialistes. Des spécialistes certifiés d'origine? Mais tout à fait. Jusqu'au 14 décembre chez Mini Service, bénéficiez de tarifs préférentiels si votre Mini a plus de 5 ans. Et profitez de 50€ de remis supplémentaires pour toute prise de rendez-vous en ligne. Mini. Offre soumise à condition chez les réparateurs agréés Mini participant à l'opération. Détails sur mini.fr. Pour une vie sans carbone, chez Vattenfall, on aurait pu vous inciter à éteindre votre radio. Ouais, mais si on fait ça, les gens vont pas entendre la fin de notre spot. Bonne remarque, oui. Pas bête. Nous proposons donc plutôt une électricité neutre en carbone, 12% moins chère. Appelez le 3255 ou rejoignez-nous sur vattenfall.fr. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Offre de marché, voire conditions sur site, prix d'un appel local. Bonjour et bienvenue sur RTL 2. C'est le double expresso, tout va bien, 8h.

feel like a woman. Twain sur RTL2. Grégory Achère et Justine Salmon. C'est le double expresso RTL2. Oui, bonjour à tous, 8h07. Bon courage pour ce lundi qui démarre. Certains sont en vacances, profitez-en bien évidemment. Bonjour Justine. Bonjour Greg, bonjour à tous. Bonjour l'équipe. Bonjour. Ils sont tous partis, je ne sais pas faire quoi. Il reste Jérémy et Jonathan. Tout le monde est parti. Manger, je pense. Les vrais bosseurs. Voilà, on reconnaît les vrais. Vous voulez une prime tous les deux? Bravo, vous aurez votre prime. Félicitations. Tiens, j'ai une bonne nouvelle, vous qui aimez le cinéma, vous qui nous écoutez, vous aimez forcément le cinéma. Il y a Allociné, vous connaissez le fameux cinéma, qui s'est amusé à calculer quels sont les acteurs qui sont le plus souvent morts dans leurs films. Ah. Alors dit comme ça, c'est un peu glauque, mais en même temps, c'est assez drôle. Ouais, j'aime bien. Il y a souvent des fans qui vont faire des calculs dingues. Alors un petit top 5. Vas-y. Des acteurs américains. Cinquième, c'est Johnny Depp. D'accord. Il y a Brad Pitt, non? Quatrième, Brad Pitt. Ouais. Bon, après, en même temps, c'est les plus grandes stars, donc ça va vite. Troisième, Bruce Willis. Deuxième, Robert De Niro. Et le premier, celui qui est le plus souvent mort, alors que généralement, il meurt pas dans ses films, c'est Tom Cruise. Ah d'accord. Ah, bon, là, en fait, j'ai vu avec Jules qui vient de me donner l'info, notre coordinateur d'antenne, j'ai dit, c'est pas possible, je connais sa filmographie par cœur. Mais dans le film The Edge of Tomorrow, le film est justement acté, basé sur le fait qu'il meurt à chaque fois et qu'il doit recommencer sans cesse une action, ce qui fait qu'il meurt tonnes de fois dans le film et ça compte. Le classement est faussé. C'est la triche. Restons sur cette analyse cinématographique. Tu vas bientôt présenter le cercle. C'est de la triche. N'oubliez pas ce qu'a dit Justine Salmon un jour, c'est de la triche. nouveauté sur RTL2, LSD Thunderclouds avec la voix de Sia. Tiens, l'info expresso arrive, Justine. Je vais vous parler de quelque chose, c'est sûr qu'il va vous parler également. Vous êtes du genre à regretter d'avoir envoyé un message un peu trop vite. Eh bien, restez avec nous, j'ai une solution pour vous. Ne pas envoyer de message. Peut-être. Il y aura aussi Milo et les Cure sur RTL2. Lorsque vous écoutez Bruno Mars, vous êtes sur RTL2. C'est le son pop rock RTL2. Queen. C'est forcément RTL2. RTL2. RTL2. The pop rock radio. Alors, t'es pour qui mardi? Bah tu sais, je suis un peu anglais par le demi-frère de ma cousine, donc allez Manchester. Mais j'ai fait italien LV2 au collège, donc je suis un peu turinois. Il y a aussi Hoffenheim Lyon mardi. Alors figure-toi que j'ai eu un berger allemand qui s'appelait Gunther. Pas besoin de choisir. Manchester United, Juventus et Hoffenheim Lyon mardi à 21h en multiplex et en exclu sur la chaîne RMC Sport. Abonnez-vous à partir de 9€ par mois sans engagement. Appelez le 1055, service et appel gratuit. Offre soumise à condition 9€ par mois pour les abonnés mobile et box de SFR jusqu'au 19 novembre ou 19€ par mois en abonnement digital. Allô patron ? T'es encore sur Lidl Voyage ? Oh oui, sur le Cambodge et le site d'Angkor. 12 jours, 9 nuits, à partir de 1640€. Un circuit inédit, hein. Activité avec des ONG et les populations locales, dont un projet de reforestation. Nuit chez l'habitant et visite de Phnom Penh. Peine perdue, tu restes encore là. Lidlvoyage.fr, le vrai prix de vos rêves. Odyssée cambodgienne 12 jours, 9 nuits, en pension complète selon programme, à partir de 1640€ par personne. Départ de Paris le 15 novembre 2018. Offre valable du 16 au 22 octobre 2018, inclus, sous réserve de disponibilité. Plus d'informations et conditions sur Lidl-voyage.fr. À la fois graphiste, commercial et comptable, il sait tout faire et ça envoie du bois. Lui, c'est René. René Tabli, artisan menuisier et son Citroën Jumpy. Un bon utilitaire, c'est comme un bon artisan, ça doit savoir tout faire. En ce moment, Citroën Jumpy Taille M Business avec navigation connectée 3D est à partir de 189€ par mois, maintenance comprise. Citroën. Crédit by 60 mois, 75 000 km, avec premier loyer de 3130€, offre non cumulable hors taxe réservée aux professionnels, valable jusqu'au 30 octobre, sous réserve d'acceptation crédit par détail sur citroën.fr. Tout au long de la journée, RTL2, le son pop rock partout en France. Ma faute. 7h17, bonjour à tous, bonjour Justine. Bonjour Greg, bonjour tout le monde. Oh j'adore Milo, on l'écoute, IO Technologies avant l'info expresso RTL2. She work it girl, she work the bowl, she break it down, she take it low, she's fine as hell, she's about to do, doing a thing right on the floor, and money, money she making, look at the way she's shaking, make you wanna touch her, wanna taste her, have you lusting for her, gone crazy face it. She's so much more than you used to. Knows just how to move, seduce you. She's gonna do the right thing, touch the right spot, dance in your lap, too ready to pop. She's always ready when you want it. She want it like an info, the info. Show you where to meet her on the late night till daylight. The club jumping if you want a good time. She's gonna give you what you want. Baby, it's a new age. You like my new craze. Let's get together, maybe we can start a new. Baby, why don't you come over here? You got me saying, ayo, I'm tired of using technology. Why don't you sit down on top of me? Ayo, I'm tired of using technology. I need you right in front of me. In a fantasy, it's plain to see. Beyond me, backstroke and sweat soaking on into my set sheets. But you ready to ride, I'll be ready to roll. I'll be in this bitch till the club close. What should I do in all fours? Now that shit should begin to law. Different style, different move. Damn, I like the way you move. Girl, you got me thinking about all the things I do to you. Let's get it popping, shorty. We can switch positions from the couch to the counters of my kitchen. Baby, it's a new. Milo, une reprise de 50 Cent sur RTL de 8h20. L'info expresso RTL 2. Ce sera avec Justine. Trouvez sur biba.fr. Alors, je ne sais pas si vous le savez, il paraît que depuis plusieurs années, le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, a une fonctionnalité unique qui lui permet, lui, d'effacer secrètement des messages déjà envoyés d'une conversation Messenger. Non, et il n'y a que lui qui est capable de faire ça. Bon, après, il a créé Facebook. Bah, oui, c'est un privilège. C'est bon. Et aujourd'hui, sachez que enfin, les équipes Facebook travailleraient sur le projet de rendre cette option accessible à tous les inscrits Facebook. Parce que ça vous est déjà à tous arrivé, alors ça, vraiment, dites-moi pas non, d'envoyer un message et de le regretter. Que ce soit la mauvaise personne, que vous ayez un peu trop bu, que vous soyez un petit peu faible et que vous envoyez un message à votre ex. C'est faible. Arrivé à tout le monde. Moi, c'est pas des messages, c'est des conversations que je regrette. C'est carrément toi. Ah ouais. Il y a des choses. Tu veux dire que si on allait sur ton historique Facebook, on trouverait des trucs rigolos? Des choses compliquées. Donc, cette nouveauté, en tout cas, permettrait d'effacer le dit message sur notre écran, mais également sur l'écran de notre destinataire. Ça, ça t'arrangera, Jonathan. Parfait. Comme WhatsApp, il y a quelques semaines, on en avait parlé. Donc, bientôt. À suivre. Merci, Justine. Voici les Cure dans le double expresso RTL 2. Bon début de journée. Cure in Between Days dans le double expresso RTL2. Il est 8h24. L'heure de l'horoscope avec les médailles de bronze pour commencer les Gémeaux. Oui, la semaine démarre difficilement. Allez, tenez bon. Les Lions. Ne comptez pas uniquement sur les autres pour avancer. Les Sagittaires. N'oubliez pas de sourire, la vie est belle. Médaille d'argent maintenant pour les Béliers. Vous allez beaucoup rire cette semaine, tant mieux. Les Taureaux. Restez aussi tolérant que vous l'êtes, c'est une très grande qualité. Cancer. Votre bonne humeur rend les autres heureux. Vierge. La chance sera de la partie aujourd'hui. Les Balances. Malgré votre dose importante de travail, vous gardez la pêche. Médaille d'argent encore pour les Scorpions. Votre gentillesse est très appréciée par vos proches. Pour les Verseaux. Soyez patient, vos efforts vont bientôt porter leurs fruits. Et les Poissons. Vos idées bouillonnent aujourd'hui. Et médaille d'or aujourd'hui, les Capricornes. Oui, une très bonne nouvelle devra arriver très bientôt. Ça va tout simplement illuminer votre semaine. Les Killers. Ah bah non, pas du tout, il y a d'abord Ed Sheeran. Pas du tout. Allez, merci à moi d'avoir allez, ma prog à l'envers. Allez, salut Greg, merci. Hein. When I was 6 years old, I broke my leg. And I was running from my brother and his friends. And tasted the sweet perfume of the mountain grass I rolled down. I was younger then. Take me back to when I found my heart, broke it here, made friends and lost them through the years. And I've not seen the boring fields in so long. I know I've grown, but I can't wait to go home. Cigarettes. Running from the law through the backfields and getting drunk with my friends. Had my first kiss on a Friday night. I don't reckon that I did it right, but I was younger then. Take me back to when we found weekend jobs and when we got paid. Buy cheap spirits and drink them straight. Me and my friends have not thrown up in so long. Oh, how we've grown. But I can't wait to go home. Ed Sheeran dans le double expresso RTL de Castle on the Hill. Il est 8h27. Il va y avoir le winner du jour, hein, juste à 8h35. Le winner arrive. Un prochain winner qui est le roi du cache-cache. Il a fallu sortir les grands moyens pour le retrouver. Il est bien celui-là. Restez avec nous. On écoutera aussi LP et donc The Killers que je vous annonce depuis une heure. RTL 2 Pop Rock Party. Le son pop rock mixé par Loran et RLP en live. Écoutez. Pop Rock Party. Toute la semaine de 19h à 20h. Et les vendredis et samedis, version longue de 22h à 1h. RTL de Pop Rock Party. Montez le son. Salut, moi c'est Bruno. Bruno optimiste, eh oui, je positive tout. Par exemple, si les freins de ma voiture sont usés, je dis super. Et si mes pneus sont aussi usés, je dis trop super. Car en ce moment, chez Citroën, jusqu'à 320€ de carburant sont offerts sur une sélection de prestations. Donc, plus j'entretiens ma voiture chez Citroën, et plus je fais de plein de super. Bref, super, merci Citroën. Les services Citroën vous simplifient la vie. Citroën.

Somebody told me sur RTL2. Le double expresso RTL2, le winner du jour. Bon courage pour cette nouvelle semaine, on est lundi matin, voici le winner du jour avec Justine. Trouvé sur 7sur7.be, je suis tombée sur une vidéo très drôle ce week-end et je me suis dit qu'il fallait que je vous partage ça aujourd'hui. Allez. En fait, sur cette vidéo, on y voit un papa qui est assez inquiet, il est à l'aéroport et vient de passer les contrôles de sécurité d'un aéroport chinois et son fils a disparu. Ah, oh, mais c'est génial, c'est super drôle. Ah, mais écoute jusqu'au bout. Parce que là, ça m'angoisse, moi, en tant que père, ça me... Mais écoute jusqu'au bout. J'ai mon cœur qui se serre. Et en fait, l'enfant n'est pas bien loin. Pourquoi je trouve ça marrant, Neneu ? Réfléchis. Neneu, attendez, stop. Non. Ah oui. On est sur une insulte en public. Nunu. Ah, très bien. Mais tu sais que c'est gentil avec moi. Vas-y, finis. Vous voyez, quand vous avez les bagages à main, vous passez le contrôle de sécurité, d'accord ? Allez. Et là, l'agent de sécurité a cru halluciner quand il a vu passer sur l'écran, en fait, qui cache les valises. Bah, il y avait en fait un enfant. Mais non. Donc le petit garçon, en fait, il s'était installé sur le tapis roulant des bagages et on le voit le ressortir de l'autre côté tout à fait naturellement. En plus, il est là, hop. Et son papa, il a eu une petite frayeur. C'est pour ça qu'il n'y a rien de grave. Je comprends, en tant que parent, ça fait paniquer. Le début était angoissant, mais bon. Mais du coup, il a vite retrouvé son petit garçon qui était caché. T'as la vidéo ? Oui, il y a la vidéo, on vous la met sur la page Facebook de l'émission. Moi, je peux te dire que si j'avais fait ça, mes parents, ils auraient dit nickel, foutez-le dans la soute, n'importe où vous voulez, on n'en veut plus. Ils auraient été bien contents de s'en débarrasser. Très drôle, en tout cas, c'est sur la page Facebook du Double Expresso. Max, tu y vas tout de suite, s'il te plaît. Je m'en occupe. Merci d'être là, Max. Voici LP Lost on You dans le Double Expresso RTL2. When you get older, plainer, saner, will you remember all the danger we came from? Expectations in your mind. Hold me like you never lost your patience. Tell me that you love me more than hate me all the time. And you're still mine. So smoke up. Lost on You dans le double expresso RTL de 8h41. On va jouer à la banque. Oui, le 3228, oui. C'est le numéro pour nous appeler. Clara vous attend au standard. Sinon, vous envoyez un SMS, le mot banque au 74 900. Souhaitez-lui un bon anniversaire, c'était hier. Oui, Clara, évidemment. Et puis on peut également vous offrir des séjours au parc Astérix. La suite, c'est No Dot. Don't speak sur RTL de rester là. Bonjour, c'est Lenny Kravitz. Écoutez RTL 2. Partez à la rencontre de Lenny Kravitz pour son concert à Milan. À tout moment sur RTL 2. RTL 2, la radio pop rock. À vous qui criez cocorico devant les produits du terroir. À vous qui voyez le monde plus beau en bio. À vous qui aimez les prix vraiment imbattables. Découvrez nos 3000 produits netto qui répondent à vos besoins au prix les plus bas du hard discount. Netto, le discounter qui fait la différence. Si vous trouvez moins cher ailleurs, Netto vous rembourse deux fois la différence. Modalité sur netto.fr. Et si on profitait de 50 gigas à petit prix sur le réseau mobile numéro 1? Moi, chez Orange, pour 9,99€ par mois, j'ai 50 gigas pour jouer à tous mes jeux quand je veux. Et moi, chez Orange, pour 9,99€, j'ai 50 gigas pour mater des vidéos et écouter des podcasts. J'adore! Ouais, bah, moi, j'adore encore plus que toi. Avec Orange, profitez du forfait mobile 50 gigas pour clients open à 9,99€ par mois pendant 12 mois au lieu de 24,99€. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Jusqu'au 14 novembre, 15€ par mois remboursé pour les nouveaux clients conservant le numéro de mobile. Engagement 12 mois, conditions sur orange.fr, réseau numéro 1 selon l'enquêteur 7 octobre 2018. Avec le service après-vente Peugeot, entretenez l'émotion. Profitez sereinement de chaque trajet à bord de votre Peugeot, sans vous soucier d'autre chose. C'est à cela que travaillent les experts Peugeot. Alors quand ils révisent votre véhicule, ils s'assurent avec de nombreux points de contrôle de préserver votre sécurité et votre plaisir de conduire. Chez Peugeot, la révision est à partir de 99€ pour les véhicules de 4 ans et plus. Prenez rendez-vous sur Peugeot.fr. Voir conditions en ligne. Tous les jours, partout en France, RTL 2, le son pop rock. Vous écoutez le dernier Lenny Kravitz, Low, sur RTL 2. If you wanna talk to me, know that I am plain to see, yeah, yeah. Yeah. 8h46, Nadot, Don't Speak, j'avais promis, j'offre. Allez. J'ai qu'une parole, et c'est sur RTL2. You and me, we used to be together, every day. That I'm losing my best friend. I can't believe. Qui est la voix du groupe No Doubt, allez la voir, elle est en résidence à Las Vegas, un peu comme l'avait fait avant elle Céline Dion ou Tom Jones. Et puis c'est facile d'aller à Las Vegas comme ça. Tout de suite, tranquille, demandez à Jonathan Deney, il vous paiera vos places. No problemo. Voilà, 25 dates au Zappos Theater, elle a commencé le 27 juin, elle terminera le 16 mars 2019. Toi t'es le roi des bons plans. RTL2. Et toi tu parles sur les jingles, mais ça me rend fou. Juste pour t'énerver. Mais t'entends que la dame elle parlait. Bonjour Hélène. T'entends que la dame elle parlait. Hélène, bonjour. Non, attendez Hélène, t'entends que la dame a parlé. Et arrête de t'énerver comme ça, tu vas te provoquer des saignements de nez. Ça va Hélène? Bonjour Hélène. Oui, ça va bien, merci. Excusez-nous, on s'engueule, mais on s'aime, hein, vous savez comment c'est, hein, vous connaissez le principe. Je suis le loup, quoi. J'attends. Hein. Voilà, alors elle parle sur le jingle, elle parle sur Hélène, c'est pas possible, toi regarde. Alors là, tiens, voilà, je t'envoie des boulettes de papier mais sur la tête. Ça va pas. Hein. Alors Hélène, où est-ce que vous êtes Hélène en ce moment, ce matin? Eh bien, ce matin, là, je suis en train d'amener mon petit garçon au centre de loisirs. Ah, bah oui. Je me suis garée pour braquer la banque. Ah, bah, c'est une bonne idée. Vous êtes à Pau. Et c'est vrai que ce sont les vacances de Toussaint, évidemment. Et oui. Qu'est-ce que vous avez fait, par exemple, ce week-end? Racontez-nous. Ce week-end, on s'est reposé parce qu'il y a 15 jours, on s'est marié et on était un peu fatigués. Oh, félicitations! Alors, le voyage de noces est déjà prévu ou pas? Alors, on est parti 4-5 jours en suivant à Majorque, mais on aimerait bien partir en voyage de noces en début d'année. Oui, c'est ça. Vous s'imagine, on est parti, donc on n'a plus besoin de voyage. Non, ça marche pas, là. On va nous faire le coup. J'aimerais bien repartir. Bah, peut-être dans la banque, on croise les doigts. Allez, on y va. Peut-être même 10 000 euros. Top chrono. Coffre 1. Attention, coffre vide. Une minute pour jouer. 300 euros. Eh ben... pas mal. Commence très bien. Hein. 300 euros. Billet d'avion payé, là. Bon, je continue. 43 secondes, vous êtes sûr? Oui. Allez, coffre. Allez, on y va, Hélène. Un lecteur DVD. On enchaîne? Je continue. Ouais, coffre 3. Le concert à l'Accor Hotel Arena d'Indochine. Pour les fans, c'est un très beau cadeau, ça. Hein, les places de concert, le transport, l'hébergement, plus de 600 euros. Oui, je vais le prendre. On je prend vais le prendre. On prend Indochine, ouais. Ça sera pour le 14 novembre, ouais, c'est gagné. Ouais. Ah, super. Ouais, je prends ça. Ça nous fait plaisir. Alors, pour l'anecdote, quand nos précédents auditeurs ne prenaient pas ce cadeau, c'était complètement leur choix, on a les fans d'Indochine qui viennent nous dire « Mais c'est pas possible, prenez ces cadeaux !» Très, très énervé. Ouais. Et ben voilà, vous irez voir Indochine, c'est archi complet, sauf grâce à nous. Il y a des places pour vous. C'est cadeau, c'est gagné. Non, bravo. Mais c'était le rêve de mon conjoint, donc là, il va être super content. Je le comprends. Hébergement, transport, place pour aller applaudir Indochine. Qu'est-ce qu'il y avait dans le coffre suivant, Jérémy? Un séjour avec la compagnie aérienne Level. Ah, il y avait New York Pointe-à-Pitre ou Fort-de-France. Bon. Bon, mais tant pis. Ah non, c'est un super cadeau. Vous faites plaisir à votre mari, pensez à ça. C'est génial. Puis même, vous faites plaisir à vous. Enfin, c'est un super cadeau. On est très heureux de vous offrir. D'ailleurs, on va écouter Indochine. Et une seule question pour vous, en plus de vous féliciter, ma chère Hélène, pour votre mariage. Qu'est-ce qu'on vous sert sur RTL 2, Hélène? Un double expresso, bien sûr. Bye. Indochine, un été français. Et c'est donc Hélène qui va aller les applaudir le 14 novembre prochain. Le double expresso RTL 2, le top 3 de Jonathan O'Donnell. Et lui, on peut aller l'applaudir tous les dimanches au théâtre Beau-Saint-Martin du côté de République. Si vous êtes sur Paris, c'est Jonathan O'Donnell. Ah, merci. Merci pour ça. Ça va très bien, Greg, et toi? Non, ça va bien. Je te présente Justine Salmon. Justine, comment tu vas? Pleine forme. Super. Alors, je vous emmène dans les Yvelines. Hein, je vous fais rêver un petit peu. Un homme de 33 ans a été interpellé sur l'autoroute après avoir masqué les yeux de sa femme enceinte qui conduisait à 130 km/h. Bah. Enfin, on fait pas ça. Bah. Ouais, je sais, on fait pas ça. Par contre, attention, bonne nouvelle, ils ont pas pris d'amende pour excès de vitesse. Ça, c'est le truc sympa. Non, mais on fait pas ça enceinte ou pas enceinte. Ouais, on fait pas ça aux gens au volant. C'est pour ça qu'ils ont été interpellés, Grégory. Ah, d'accord. Ah. Bah, c'est des jeux étranges, hein. Ouais, y a des gens bizarres. Il y en a un peu partout. Il y en a aussi au Royaume-Uni. Une esthéticienne a échoué à un alcotest car ses lèvres au collagène étaient trop grosses pour souffler dans l'appareil. C'est impossible. Du coup, les policiers l'ont fait souffler dans le pot d'échappement. Ça a bien marché, ça. Et on rappelle qu'une fois de plus, tout ça, ce sont des vraies histoires. Ouais, de vraies infos. Hein. Oh là là. Un peu spécial. Impossible. Oh, j'ai l'image. Mais c'est pas possible. Et si. Mais enfin, on fait pas ça non plus. Mais non. Que veux-tu, c'est le Royaume-Uni, c'est comme ça. Hein. Allez. On termine avec une info people. Ouais. Un mégot de gitane fumé par Johnny Hallyday a été vendu aux enchères. 319 euros à Paris. Ah, je vous jure que c'est vrai. Garde tes miettes de pépito, Justine, j'ai une idée. On va faire de l'oseille. On a de quoi faire. Le plus simple, c'est garde son clavier. Ouais. Si je peux te dire. Mais ça va pas. Le clavier de Justine Salmon. Mais ça va pas. C'est le frigo des souris. Mais arrête de dire n'importe quoi. Je nettoie T'étais pas là vendredi. Jonathan s'est mis à ta place. Il a eu les mains toutes grasses. La suite, évidemment, c'est l'arrivée de Carole Vega et de Jane sur RTL 2. Un frigo à souris. Mais dis pas n'importe quoi. Un piège à rat. RTL 2 a été la première radio en France à vous jouer ce titre de YouTube. Ce titre de Zen, vous l'avez entendu pour la première fois sur votre radio. Jacob Banks. Vous l'avez découvert sur RTL 2. RTL 2, les plus grands artistes pop-rock d'aujourd'hui et de demain. Conforama, le confort pour tous. Encore un bon plan chez Conforama. La télé Samsung 138 cm Ultra HD est à 499 euros au lieu de 699. Un grand écran à ce prix-là, c'est cadeau. Conforama, 200 euros remboursés par Samsung jusqu'au 4 novembre. Conditions en magasin sur conforama.fr. Intermarché vous propose d'écouter des couteaux Vivo à 1 euro. Chérie, tu me passes le sel, s'il te plaît. Oui, chef. Tu peux éviter de crier comme ça. Oui, chef. Ah non, mais ça va être pénible. Chef. Cuisiner comme un grand chef. En ce moment, les couteaux de cuisine Vivo sont à 1 euro seulement en collectionnant les vignettes chez Intermarché. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Jusqu'au 23 décembre, offre réservée aux porteurs de cartes de fidélité. Modalité complète sur collectionvivo.intermarché.com. Alors, voici SUV Citroën C3 Air Cross d'occasion à 14 990 euros avec navigation connectée 3D et 3 ans de garantie offerte. Qu'est-ce qui vous fait rire? Vous avez dit occasion, vous avez dû vous tromper. Si, c'est une occasion. Chez Citroën Select, nos occasions ne ressemblent pas à des occasions. Pendant les 10 jours de l'occasion, SUV Citroën C3 Air Cross file moins de 20 000 km avec navigation connectée 3D et à seulement 14 990 euros avec 3 ans de garantie offerte. Citroën. Offre valable dans le réseau participant dans la limite des stocks disponibles. Détails sur citroenselect.fr. Bonjour, c'est Philippe Etchebest. Pour la première fois depuis la création d'Objectif Top Chef, j'ai décidé de me lancer un défi. Trouver la perle rare qui, en intégrant les futures cuisines de Top Chef, rejoindra